Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où l'on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 39, enregistré le 14 avril 2018. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul, puisque avec moi j'ai un des co-hôtes de toujours, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Eh bah très bien, vu que Morgane n'est pas là. Ça taille immédiatement. Tout de la merde. Non, c'est triste. Ça, hein. Oui, non, mais déjà il a pas lu ma critique de Ready Player One, parce qu'il y avait un petit easter egg exprès pour lui dans la critique. Ah. Et il l'a pas lu. Il l'a pas lu, je suppose, parce que j'ai pas eu de retour. Ouais, donc Morgane, tu n'es qu'un gros connard. Oui, bon, enfin, je peux, hein, vu ce qu'il m'a lancé. Non. Le call out. Hier soir, Morgane a pas arrêté d'insulter Eddy via notre messagerie là sur Facebook. Et... Je pouvais pas écouter à l'heure où il parlait et en fait, j'ai tout pu entendre après. Sans aucune raison, tu sais. Juste c'était totalement gratuit. Voilà. Parfait. Il a comparé à Kim Jong-un, il me semble, mais voilà. Et c'est cela. Bref. J'ai une meilleure coupe de cheveux que lui. Oui, ça c'est clair. Et du coup, notre invité que vous avez déjà entendu est invité habituel quasiment. Adrien, salut. Oui, bonjour, bonsoir. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va plutôt bien. Je suis content de te recevoir de nouveau, puisque la dernière émission qu'on avait faite, c'était le bilan de l'année 2017. Mmh. Et du coup, c'est cool, on va pouvoir parler. Moi aussi, très content, ouais, surtout avec le lobbying que j'ai fait pour. Quand vous parlerez de Ready Player One, t'oublies pas. Hein. Bah oui, non, mais tu vois, on n'a pas oublié. Ouais, super. Bien sûr, du coup, comme on parle des films de 2018, je vais vous faire le sommaire de cette émission. Ouais, j'ai spoilé là. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, tout le monde savait qu'on allait parler de Ready Player One. Hein, c'était un peu le passage obligé pour une émission qui parle des films. C'est dans le titre de l'émission. Oui, voilà. C'est le titre sûrement traduit en français, très mauvais. Voilà. Donc, le sommaire, on va faire la Selec. On va parler de Annihilation. Eddy va revenir sur Phantom Thread. Il a pu le découvrir. Et Adrien va nous parler de Tomb Raider. Le tout dernier. En film du mois, comme on vous l'a dit, on va vous parler de Ready Player One. Et ensuite, Eddy va nous faire une minute nerd. On sait déjà de quoi ça va parler, mais je ne vais pas vous l'annoncer puisque j'aime bien garder la petite surprise pour la fin. Voilà. Donc, maintenant que tout ça est dit, je crois qu'on va pouvoir passer tout de suite à la Selec. C'est parti. Donc à la première rubrique de ce podcast qui est la Selec, et pour commencer, Eddy a pu rattraper son retard sur un film de février, donc on commence avec Phantom Thread, le dernier film de Paul Thomas Anderson, le premier film de Paul Thomas Anderson que tu regardais. Donc, exactement. Je suis très curieux, enfin même si j'ai lu ta critique, je suis quand même très curieux de t'entendre de vive voix. Elle est très très mauvaise. Hein. Et qui n'est pas le nouveau spin-off de Metal Gear Solid. Non, puisque Phantom Pain était le dernier. Mais... Ah d'accord, il voilà, mais... faut avoir la référence. Ouais, il hein. faut avoir la référence, c'est pour ça que j'ai préféré le dire. C'est bien que moi sur les jeux, bon, c'est... à part les Sims et Planet Coaster, j'ai pas une culture. Bah, c'est pour ça que t'as aimé Ready Player One en fait. Peut-être, non, j'avais des références quand même. Oui, pour... J'imagine. Je connais des jeux auxquels je ne joue pas. Mais... Oui, c'est clair. Je regarde des Let's Play aussi. Donc voilà, Phantom Thread, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben, j'ai beaucoup aimé et en fait, je m'attendais. Enfin, j'avais pas d'attente parce que je connaissais pas du tout le cinéma de Paul Thomas Anderson. Mm-hmm. On m'avait toujours dit que c'était vraiment un de ces cinémas où il fallait être prêt en fait pour le découvrir, ouais. Surtout parce que c'était assez particulier. Et jusque-là, j'avais pas forcément eu l'occasion. Et c'est vrai que ces derniers films, The Masters et Inherent Vice. Te tentaient pas du tout. Ouais, ça me tentait pas plus que ça, et du coup, celui-ci, quand même, le sujet. Mm-hmm. Mais après, dans ses anciens films, il y en a quand même 2-3 qu'il faudrait que j'essaye de voir, Magnolia et Boogie Nights. L'autre, là, pourtant, je suis pas fan de... Punch Drunk Love. Non. Non. There Will Be Blood. Ouais, There Will Be Blood, ouais. Voilà. Donc du coup, oui, j'ai trouvé ça très bien. En fait, c'est que c'est vachement, enfin, c'est très. C'est compliqué d'en parler. Hein. On l'a ouais, déjà. C'est pas évident. Vous l'avez déjà vu, enfin entendu quand j'en parlais le mois dernier avec Morgane, c'est compliqué. Hein. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est surtout, enfin, c'est le, bon, évidemment, c'est très banal, comme, enfin, c'est très basique comme réflexion, mais c'est que il parle d'un personnage exigeant et on sent vraiment, pour le coup, une exigence aussi dans la réalisation. C'est impressionnant. Oui, Enfin, ça se sent sur chaque plan, quoi. Ouais, ça a toujours été le cas avec lui. Hein. C'est vraiment. Voilà, je m'en doute bien un Il est peu. Très Mais c'est vrai que du minutieux. coup, ça m'a marqué là vraiment sur ce film-là, en tout cas. Et comment dire, je oui. après, voilà, il y J'ai a. vachement envie de le voir. J'ai là. Oui, non, mais oui, je sais, c'est compliqué. Non, ouais, c'est un non, calvaire mais. d'en parler, hein, c'est vraiment. Enfin, ce qui marque aussi, c'est l'ambiance. Je pense que c'est important dans le film. Il y a vraiment un. On a vraiment l'impression d'être plongé dans un. On a l'impression que c'est pas forcément réel. Alors que bon, y a rien de surréaliste ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment. Il y a un travail, Onirique. je trouve, sur la narration qui crée. Toute cette ambiance un peu un genre de torpeur un peu comme ça où tu en ressors vraiment qu'à la fin et bien sûr après les interprétations aussi Daniel Day-Lewis qui est excellent ça on le sait depuis très longtemps et Vicky Krieps aussi qui arrive à lui tenir tête et c'est pas évident parce que j'avais vu avant le film une petite vidéo bonus où c'est une scène qui n'a pas été gardée dans le film, mais on le voit s'énerver lors d'une scène. Et tu te dis, le mec, il est vraiment habité par le rôle, quoi. Et c'est limite en face de lui, enfin, faut composer avec ça. Et c'est pas, je pense que c'est pas évident. Et c'est vrai que je trouve qu'elle arrive vraiment à pas cerner le rôle qu'elle a en face d'elle, mais vraiment, enfin, je pense qu'elle le comprend aussi, mais elle arrive vraiment à tenir tête, quoi. C'est vraiment ça, je trouve. Il a beau être excellent, je trouve qu'il lui fait pas d'ombre. Et ça, c'est Oui, assez bien. c'est ça qui est le plus un des plus impressionnants, une des choses les plus impressionnantes du film en fait au niveau de l'interprétation, c'est que elle arrive comme tu dis, à tenir tête et puis vraiment à quasiment être égale, alors que ça paraît assez surréaliste, mais ouais, c'est le cas, tu vois. Et tous les personnages existent en plus, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, quoi dire de plus? Non, non, c'est excellent. Ça m'a beaucoup rappelé Kubrick sur plein d'aspects, notamment la photographie, la mise en scène aussi. Alors, c'est moins maniaque que Kubrick. Enfin, je pense que c'est aussi maniaque dans le désir de faire. Ça se ressent moins, en fait, ça fait Oui. moins. De toute Comment façon, dire? enfin. Kubrick, c'était toujours des plans impeccables. T'as pas un truc qui dépasse, là tu sens que on va plus vers le réalisme et du coup ça demande une vraie maîtrise aussi derrière. Donc non vraiment c'est un film très intéressant et évidemment c'est assez tordu aussi cette Oui, histoire. oui, oui. Ça donne pas du tout envie de manger des Des l'omelette aux champignons. omelettes aux champignons, ouais. J'arrête pas Pour ceux... d'entendre ça, tu sais, ça me fascine. J'avais aucune envie de voir le film, mais j'arrête pas d'entendre cette histoire d'omelette aux champignons. Ça m'énerve parce que j'ai envie de savoir, tu vois. Non, mais Ça je te jure, m'énerve. tu vas être traumatisé par cette Ouais, scène. Ouais, non, mais... j'arrête pas Ouais, d'entendre parler de ça. non, c'est... Et en même temps, ça reste quand même une histoire d'amour, mais qui est vraiment, enfin, c'est aux antipodes de tout ce qu'on voit d'habitude. Mais c'est dingue parce qu'il arrive quand même à faire naître une passion là-dedans, Ouais, entre les c'est deux. une genre de passion destructrice à la fin, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, c'est. Ouais, non, Ça franchement, m'a un peu c'est. fait penser à Black Swan un peu. Enfin, mais dans une autre mesure où enfin, il y a ce rapport aussi. Bah, elle, c'est avec son rôle dans le ballet, où elle s'autodétruit un peu. Et là, c'est vraiment cette relation entre les deux qui passe sur divers plans comme ça où ils se détruisent l'un l'autre quoi et c'est ce qui et à la fois c'est dur mais ça reste fort après émotionnellement je pense pas que ça enfin c'est pas un film qui m'a forcément touché mais Ah non, ouais, c'est... Ouais. et je pense pas que ça soit de toute façon la démarche C'est pas le... C'est... Ouais, derrière je comprends. mais non vraiment c'est très bien enfin je pense que là pour le coup on m'avait dit que c'était pas forcément le film à voir en premier chez ce réalisateur-là, mais bon. Non, je pense que c'est quand même une bonne porte d'entrée en fait. Hein, c'est. J'ai pas été rebuté plus que Oui, ça. voilà, Donc c'est ça. Après, c'est quand tu sais à peu près dans quoi tu vas t'embarquer. Je pense que les gens qui ne savent pas du tout, enfin qui s'attendent juste à un biopic ou des choses comme ça, peuvent être rebutés facilement. Mais si tu sais dans quoi tu t'embarques, je pense que ça, tu Oui, parce que rentres. c'est un style assez hermétique quand même, hein. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est anxiogène et tout, donc après tu y es réceptif ou pas, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, bah, très bien. Et ça t'a donné envie du coup de découvrir d'autres films de Paul Thomas? Bah, ceux que j'ai dit, ouais, Magnolia, Vers le Blue Blood et tout ça, quoi, un peu. Ok, Mais très bien. pas tous, non. Ouais, ok. Très bien. Du coup, on va passer à Adrien qui va nous parler. Très jeu vidéo ce mois-ci, hein, Adrien. Oui. avec D'ailleurs, j'avais une l'adaptation. question à poser à Eddie avant qu'on arrête. Oui. Le Ah oui, gameplay, vas-y. il est comment du coup? Le gameplay de? Non, De parce que Phantom Thread. J'ai pas c'était compris. c'est la même blague que tout à l'heure. Non, Ah mais. d'accord. Oui. Bah, il est Ouais. pas très bon, hein. Niveau Non. rythme, Bah, franchement. c'est un peu un jeu où tu te fais chier quand même. Ah, c'est rien. En tant que jeu, c'est clair que c'est pas génial. Non, c'est particulier, quoi. T'es un peu sur plus du clic que de la manette. C'est C'est ça. nice un peu. C'est limite un Ouais. point and click. Hein. Oui, c'est un peu ça, ouais. Phantom Thread, the game. Très bon ça. Donc, voilà. Adrien, du coup, tu vas nous parler de Tomb Raider, la dernière adaptation dont on parlait assez souvent dans Parlons Cinéma. Ici, personne ne l'a vu à part toi, donc je t'en prie, Oui, vas-y. alors tout à l'heure, là tu vas pouvoir ajouter des rires enregistrés. Oui. Eddie a dit que le film l'avait pas rebooté. Moi je vais vous parler d'un film qui a été rebooté. Ah. Oh, beau, ça c'est beau. Ah, Ouais, on ça rigole c'est bien? beau, On bravo! rigole bien? Franchement, Vraiment, genre, ici on est impressionné parce qu'on a l'habitude des blagues de Morgan, Voilà, alors du je faisais rire coup, enregistré derrière cette blague, du coup. Bref, alors du coup, oui, je vais vous parler de Tomb Raider. Alors c'est vrai que j'ai fait un peu de lobbying à chaque fois que je venais dans Parlons Cinéma pour parler de ce film. C'est Parce que vrai. c'est vrai que c'était une vraie attente pour moi, parce que Tomb Raider fait partie de ces excellentes licences de jeux vidéo qui ont été complètement massacrées au Aussi, ouais. cinéma. C'est-à-dire que voilà, c'était il y avait des trucs complètement. En même temps, ça c'était dans l'ambiance des jeux de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un Oui. côté, voilà, une fascination pour le corps de Lara, machin truc, avec ses gros seins, ses Ben, machins, ces c'était dans trucs. l'ambiance des films de l'époque aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, ça remet dans son contexte, mais ça veut pas dire qu'on peut pas dire que c'était déjà pas terrible. Oui. Donc là, me refaire un Tomb Raider actuel avec les excellents reboots des jeux qui sont sortis, alors je ne saurais plus de donner les dates, est-ce que c'est 2013, 2015, 2013, ouais, 2013 et 2013. 2015, il me semble, Oh même voilà, t'as vu, je l'ai 2000, snipé, j'avais pas vérifié mes notes avant. Bref, du coup, c'était excellent, et du coup, faire un reboot, quand aujourd'hui on est plus à même au cinéma populaire de se poser ces questions-là, de comment on peut représenter des femmes héroïnes, de comment on peut. Ça pouvait que fonctionner, j'ai envie de dire. Vraiment, fallait vraiment prendre un tocard derrière la caméra, genre, je sais pas, Brett Ratner, pour que ça nous fasse pour que ce soit vraiment mauvais. Donc là, ils ont. J'adore le terme de tocard. Je trouve Voilà. ça. Oui, parce que j'essaie de ne plus être vulgaire. J'ai été En fait, vulgaire le dernier top. On m'a reproché c'est d'être presque vulgaire. ringard, mais ça fonctionne toujours. Tout à fait. Oui, parce que j'ai été J'adore. très vulgaire la dernière fois. Donc là, Ah bon? quand je parlais de mes. Bah oui, quand je parlais de mes flops. Donc Ah là, du oui. coup, On t'a j'essaie de ne plus être reproché. vulgaire. Du coup, j'ai dit le mot tocard. Et bref, Ok. donc là, celui qui réalise Espèce le de film n'est pas un tocard. tocard, c'est d'ailleurs pas un mec, enfin, je veux dire, c'est pas un mec du tout, du calme, mais je veux dire, c'est pas un réalisateur très connu, enfin, c'est un mec, je crois, c'est son Ouais. premier film, je saurais même plus Oui, dire son c'est un film, nom. c'est un réalisateur suédois, il me semble. On a Voilà, c'est ça, et puis les ouais. Suédois. Hein. Urtog ou je sais Ah, plus quoi. ouais, c'est ça, je n'ai même pas noté dans ma critique, là. Bref. Ouais. Tout ça pour dire que c'est une vraie réussite, parce que déjà, prendre Alicia Vikander, comment on dit? Vikander? Ouais. Pour Vikander, C'est pour Lara très. Croft dans la version de 2016, c'est forcément une bonne idée. Donc du coup, leur faire en 2018, enfin c'est ça pouvait fonctionner. Et effectivement, elle est excellente. Est-ce que le film est parfait? Non. C'est-à-dire qu'il y a quand même des soucis du point de vue. En fait, ça c'est plus du point de vue des effets spéciaux. C'est-à-dire que t'as des scènes, par exemple, je prends l'exemple d'une scène toute conne qui est filmée en hélicoptère où ils filment une forêt. Et après, t'as un plan où ils sont en train de marcher dans la forêt et où tu vois qu'il y a un fond vert. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas le fond vert est pas mal fait en soi, mais le problème c'est que Ils se quand sont fait chier à t'enchaînes. filmer au-dessus d'une forêt, puis ils ont pas tourné dedans, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que en soi, c'est pas mal fait du tout. Mais quand t'enchaînes la vraie forêt et la fausse, forcément, tu vois la différence, quoi. Donc, il y a C'est un petit peu clair, des erreurs ouais. comme ça qui sont presque des erreurs de débutant. T'as presque pas envie de, voilà, j'ai pas envie de baisser ma note pour autant et j'ai pas envie de dire que c'est moins bon pour autant. C'est juste des erreurs, voilà, qui sont faites par des gens qui savent pas tellement comment faire un film quand même, quoi. Donc, après, bon, ça reste un gros studio et tout ça, hein, mais c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a Le pas eu réalisateur, c'est un celui qui soin avait fait The extrême. Wave. Ouais, ça pour le coup c'était vraiment Roar mauvais, mais. Utog, voilà, j'ai trouvé son nom. Ouais, The War Utok, c'est ça, ouais. Bon, pour le coup, ouais, The Wave c'était pas excellent, mais bref, c'est un mec qui Ah, est ça pas fonctionnait tellement. bien, je trouve. Ouais. C'est un mec, voilà, qui est pas tellement. Qui a pas une carrière suffisante pour, je dirais, se rendre compte parfois de ces trucs qui, pour nous, spectateurs aguerris, ça paraît comme des aberrations. Et d'un autre côté, je pense que la personne lambda qui voit pas forcément des films tous les jours et qui va voir ce film, je pense qu'honnêtement, il fait pas la différence. Enfin, je pense Non, très je pense clairement pas. qu'il n'y a pas de souci. Après, c'est quasiment le seul défaut que j'ai envie d'apporter au film, parce que d'un autre côté, du point de vue de l'adaptation du jeu vidéo, c'est quand même très réussi, parce que à la fois il reprend tout ce qu'il y avait de bien dans les reboots, c'est-à-dire le sens de l'aventure, Que ça l'aspect. adapte un épisode ou c'est vraiment plus général? Bah, c'est plus général, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la logique du reboot, dans le sens où elle est habillée pareil, ça se Ouais. passe dans le même genre d'environnement, elle fait à peu près les mêmes actions. Il y a vraiment des moments où t'as envie d'appuyer sur ta manette, je te promets. Il y a un moment, j'avais fait une blague à mon pote, je lui dis là, faut appuyer sur A vraiment beaucoup de fois pour que ça fonctionne. Bref. Alors, du coup, c'est vrai qu'à ce niveau-là, t'es toujours content, quoi. Mais d'un autre côté, c'est à la fois très fidèle et d'un autre côté, ça corrige presque les défauts qui restaient au jeu. C'est-à-dire qu'on avait reproché au Tomb Raider, la version de 2015, d'érotiser vraiment la souffrance de Lara. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gros plans sur elle, qu'elle allait se faire. Oui, qui est en train de souffrir. Qui est en train de souffrir, il y avait un bâton qui rentrait dans la poitrine et tout de suite, voilà, elle geignait, machin truc. Là, à part une scène un peu bizarre où elle se fait soigner, où elle fait des couinements, enfin, c'est pas trop d'où ça sort, c'est pas toi qui lui as demandé de jouer comme ça, mais c'est quasiment des couinements de plaisir, c'est très bizarre à regarder, mais D'accord. c'est vraiment accidentel. Le reste, c'est amélioré à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on la voit souffrir dans le film, mais on la voit en permanence se relever, on la voit pas geindre par terre et tout ça, enfin, il y a vraiment quelque chose de. C'est une héroïne, D'une quoi. héroïne qui, d'un autre côté, au début du film, sait déjà faire des choses, mais qui est vraiment pas entrée dans l'âge adulte, et qui, au fur et à mesure, va se relever. Je veux dire, là, c'est là que le jeu d'Alicia Vikander est formidable, parce que on commence à la voir un peu, voilà, une espèce de. Comment dire? De fille qui est pas tellement au courant de ce qui se passe dans le monde, voilà, qui fait un peu des courses de vélo, des trucs comme ça, mais qui sait pas trop où se mettre, et à la fin, dans le jeu de Vikander, enfin, tu vois bien que c'est plus la même personne, quoi. Et ça, à ce niveau-là, c'est extrêmement bien joué. Et franchement, elle a rien à rougir des performances à Oscar et des trucs comme ça, à ce niveau-là. On peut D'accord. reprocher des choses au film, mais elle est tellement parfaite qu'elle porte vraiment le film. Et c'est-à-dire Ok. qu'en fait, tu peux la regarder pendant 2 heures sans problème, quoi. Et bon, voilà, après, est-ce que c'est bien scénarisé? Oui, il y a deux, trois invraisemblances, il y a deux, trois surprises par rapport au jeu. Après, c'est pas forcément ce qu'on demande à ces Ouais. films-là non Non, mais plus. c'est Enfin, ça, quand il c'est-à-dire y que a moi, je suis assez certains indulgent, raccourcis, ouais. c'est pas trop bon. Ce que je veux dire, Pas trop cher. c'est que du point de vue des blockbusters, bon, ici, je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur le film, mais c'est pas du niveau de films de Snyder comme Sucker Punch ou Batman contre Superman, le truc comme ça. C'est-à-dire que c'est pas des films qui sont très objectivement et, je dirais, consciemment politiques et constamment à remettre en question le monde et tout ça. Ce film-là est C'est ça, politique oui. parce que, comme je disais, du point de vue du féminisme et tout ça, il s'inscrit quand même dans une logique de mettre devant la scène des vraies héroïnes qui n'ont rien à envier à des héros masculins. Masculin. Mais d'un autre côté, c'est pas objectivement, je dirais pas objectivement, mais consciemment politique. Ça parle pas consciemment du monde dans lequel on vit et tout ça. Donc je dirais que Oui. c'est un film qui est limité par ça, c'est-à-dire que c'est pas un blockbuster du niveau des Mad Max Fury Road, de trucs comme ça, mais il fait parfaitement le job du point de vue du divertissement. Et je dirais que la manière dont c'est fait, dont c'est joué, et surtout le postulat qu'il y a derrière de vraiment faire revenir Lara comme l'héroïne qu'elle aurait toujours dû être, là franchement chapeau, franchement c'est une réussite. Ok. Et t'as pas eu, enfin, il n'y a pas ce genre de frustration de plutôt avoir envie de jouer au jeu que de regarder le film. C'est un peu compliqué parce que forcément, quand je passe des heures à jouer au dernier Tomb Raider juste avant, forcément, quand je la vois, comme je disais tout à l'heure, quand je la vois sauter par-dessus un ravin, j'ai envie d'appuyer sur le bouton A des millions de fois pour qu'elle Ouais. réussisse à attraper la branche, tu vois. Forcément, mais il y a forcément ça. Mais je Oui. dirais que c'est aussi la preuve que c'est une réussite. C'est-à-dire que c'est Ouais. comme quand je regardais. Bah, je sais qu'il n'y a pas vraiment d'accord ici non plus, mais sur Assassin's Creed, des films comme ça. Pour moi, à partir du moment où le film me donne envie de jouer au jeu, et que c'est pas une envie du genre j'ai envie de me laver les yeux. Oui, parce que ça arrive aussi, c'est-à-dire que quand je regarde des films, je sais pas, comme le dernier Resident Evil, j'ai envie de jouer au jeu, mais pour me laver les yeux, quoi. Enfin, Ouais. ou le dernier Silent Hill, je sais plus comment il s'appelait, Révélation, voilà, là j'avais envie de Oui, me laver ouais, les ouais. yeux. Mais là, c'est une envie de jouer au jeu parce que ce que je vois à l'écran m'évoque ce que je fais, Et j'ai trop envie de le reproduire. Et d'un autre côté, c'est hyper cinématographique. C'est-à-dire que ça s'arrête pas à une cinématique de 2 heures. Il y a vraiment une histoire, il y a vraiment une manière de jouer. Il y a vraiment. Enfin, non, c'est vraiment très très bien fait à ce niveau-là. Ok, très bien. Bah, ça donne envie, franchement. Moi, j'avais franchement des doutes. Donc, j'en ai encore un petit peu par rapport aux bandes annonces. Mais franchement, je me laisserais bien tenter, quoi. Donc, voilà. Ah, bah, tant mieux. C'est cool. Je vais parler rapidement. Eddie, on avait parlé un petit peu en trichant le mois dernier de Annihilation. Puisqu'il était sorti sur Netflix et qu'on avait enregistré un peu tard, et du coup, comme il est sorti en avril, en mars, mais que voilà, on a parlé quand même pendant le podcast du mois de février. Donc, j'ai pu le rattraper hier soir, voilà, comme quoi j'étais très en retard, mais je ne regrette absolument pas de l'avoir rattrapé. Donc, Annihilation, c'est un film de Alex Garland qui a été connu pour avoir réalisé Ex Machina, que j'avais vraiment beaucoup aimé, en 2015. Avec Alicia Vikander, d'ailleurs. Aussi, ouais, Oh, d'ailleurs. encore Alicia, dis donc. La Qui soirée était Alicia. excellente dans le film, d'ailleurs. Donc, Annihilation, c'est adapté du roman du même nom de Jeff Vandermeer, qui en a fait une trilogie, mais Alex Garland, quand il a adapté le scénario, c'était encore un seul bouquin, et du coup il s'est contenté de lire qu'un seul bouquin, et même j'avais lu sur sa manière d'adapter le bouquin, c'est qu'il avait lu une ou deux fois, et que après il avait écrit le scénario basé sur des souvenirs du livre plutôt que de faire page par page la retranscription, ce qui est peut-être beaucoup mieux, et surtout pour ce film, puisqu'il y a quand même un espèce d'état assez onirique pendant tout le film, qu'on se base uniquement sur des souvenirs du bouquin. Je trouve que c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire, et ça donne un film vraiment très bon. Donc, le film, ça prend place dans une zone qu'on appelle Aria X. Où un phénomène étrange est apparu il y a plusieurs années, de cela résultant à la création d'un champ électromagnétique nommé The Shimmer. Je ne sais pas comment ils le disent en français, s'ils l'ont adapté en français ou pas du tout, je l'ai vu en anglais. Je sais plus comment ils disent, non. Ok, bon, je c'est m'en pas rappelle grave. plus. Qui ne fait que se développer et s'agrandir depuis son apparition. Il y a eu de nombreuses escouades militaires qui sont déjà rentrées dans cette zone, mais sans jamais en revenir, et aucune communication n'est possible depuis l'extérieur. Lena, donc, c'est une ancienne militaire et maintenant professeure de biologie, qui est interprétée magnifiquement par Nathalie Portman, n'a plus de C'est possible, contact. ça? Pardon, parlons, on continue, pardon, pardon. Elle a plus de contact avec son mari, Kane, qui est interprété. Par mince mince mince Oscar Isaac. Oscar Isaac, merci. Du coup, elle a plus de contact avec lui depuis un an, après qu'il soit parti pour une mission dont elle connaissait uniquement l'existence mais aucun détail. Elle le retrouve en fait chez elle dans un état inhabituel un an après quasiment, et se souvenant de rien. Et après certains événements, je vais pas tout dévoiler, elle se retrouve à l'Aria X où son mari est dans un coma, et c'est à ce moment-là qu'elle apprend que où son mari est allé. Elle décide de se joindre à une équipe de scientifiques qui doit partir observer et analyser ce qu'il se passe dans cette zone où rien ne ressort. Voilà. Donc ça, c'est le scénario un peu voilà, résumé à ma manière. Il y a beaucoup plus de choses beaucoup plus intéressante qui se passe après quand l'équipe rentre dans The Shimmer, mais voilà, c'est un film pour moi. Alex Garland est en passe vraiment de devenir un des meilleurs réalisateurs de films de science-fiction actuels dans mon cœur. Science-fiction posée, hein. Ouais, non, mais voilà, de science-fiction psychologique. Pour moi, il se bat actuellement dans mon cœur et dans mon esprit avec Denis Villeneuve. Ah ouais. Ah, Quoi? je les mettrais pas au même niveau quand même. Enfin, j'ai Ah, pas vu Annihilation, mais Ex Machina, c'était intéressant, c'était assez bien fait. Mais pour moi, ça restait un épisode de Black Mirror, un peu mieux réalisé, quoi. Je trouve que c'est plus Denis Villeneuve, il y a des thèmes qui touchent à l'universel, il y a des il y a un sens de l'image incroyable et tout ça. Enfin, je trouve que non, je trouve que j'ai enfin c'est mon avis, mais je trouve pas Ouais. pour l'instant je puisse D'accord. Mais Je comprends pas. Annihilation, il y a un sens de l'image aussi. Hein. Ouais, Ah oui, peut-être. Ça, enfin, c'est vrai qu'on forcément on compare avec Ex Machina parce que bah, c'est son précédent film, mais Oui, c'est mais il y a Nathalie Annihilation est. Portman, j'ai pas envie de le voir. Ouais, mais c'est tellement différent en fait de Ex Machina que. Parce que moi j'avais pas aimé Ex Machina et j'ai adoré Annihilation, donc tu vois, Ah ouais? c'est. Bon, Ouais. j'essaierai alors, pour vous faire plaisir. Non, non, mais sincèrement, c'est Parce que vachement Nathalie Portman, intéressant. moi je peux pas. Non, mais moi je suis pas resté coincé sur Star Wars épisode 2. Hein. la concernant, hein, ça, parce que Oh, sinon, c'est dur. Oh, c'est ouais. dur. Donc, du coup, ouais. Pour moi, D'ailleurs, je peux faire une blague avec. Enfin, Oui, bref. vas-y. Oui, Annie, Elation. Oh là, Anakin. ouais. Ah, Oula. regarde. Voilà, voilà, Faut pas voilà. réfléchir trop longtemps là. Non, faut pas. Non, non, non, mais avec moi, jamais. Hein. Donc, pour revenir au film, en fait, c'est un peu la même chose que Ex Machina, c'est qu'il dispose pas non plus de gros moyens, mais il arrive à nous plonger dans un univers sombre et pessimiste. La BO aide beaucoup quand même. La BO est sublime. C'est une collaboration encore avec entre Ben Salisbury et Jeff Barrow, qui avait déjà bien fonctionné pour Ex Machina. Mais je trouve qu'elle Ça participe vraiment à l'ambiance. Enfin, c'est la BO répond vraiment à l'image. Et C'est ça, c'est ouais. rare en fait, souvent, Ouais, je trouve. non, à ce niveau-là, c'est vraiment rare. C'est vraiment extrêmement bien travaillé. Je trouve que cette collaboration porte vraiment ses fruits dans Annihilation, avec une musique de plus en plus déconstruite au fur et à mesure de l'avancée dans The Shimmer, C'est pour très arriver à. particulier. Ouais, arriver à une troisième partie du film qui propose des morceaux vraiment oppressants, inquiétants et qui fonctionnent à merveille avec justement, comme tu disais, avec ce que Alex Garland propose à l'écran. Vraiment, la musique, elle nous quitte pas et moi, vraiment la musique pour la troisième partie, je vais pas T'écoutes dévoiler. ça dans le noir, t'es pas fier. Enfin, moi, je sais Ouais, que. non, ça fout vraiment les jetons et ça m'a presque fait vivre une expérience proche d'une crise de panique, quoi. C'est vraiment, c'est, non mais vraiment, quoi. Mais C'est non, mais ça me surprend pas. vraiment oppressant au possible, quoi. Mais c'est justement ce qui fonctionne à merveille, quoi. Et en plus avec l'apport des images, en fait, le tout fonctionne à merveille, en fait. C'est Elle a vraiment l'impression que le son est la continuité de l'image. la fusion des deux qui fonctionne, en fait. Même si elle peut s'être écoutée tout seule, elle peut être écoutée toute seule la BO. Je pense que ça fonctionnera moins bien qu'avec les images. Surtout que c'est très contemplatif sur la dernière partie. Voilà, donc comme je l'ai dit, la réalisation est très travaillée. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Alex Garland au niveau de l'image. C'est vraiment un réalisateur qui me plaît beaucoup. L'univers est beaucoup plus onirique cette fois-ci. Des décors qui sont très originaux, qu'on On est n'a pas beaucoup la. plus dans la nature aussi. Ouais, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des films de science-fiction. Enfin, franchement, un mélange de plantes et d'animaux, pour pas en dire plus, mais vraiment surprenant et assez original, je trouve. Et une ambiance, Alex Garland, pour moi, c'est le maître des ambiances. Il arrive toujours à les maîtriser à la perfection, à nous tenir en haleine, vraiment, de bout en bout. Et justement, le scénario aide beaucoup. Puisqu'il est très intéressant, j'ai pas trouvé vraiment de baisse de rythme qui nous fasse perdre l'intérêt du film, en fait. Il y a des baisses de rythme, c'est obligé dans un film, on peut pas être à Il me 100% fait à un chaque peu fois, penser mais. à David Robert Mitchell de It Follows. Ouh, ah, c'est Ouais, bien ça. En termes C'est d'ambiance et vrai, c'est clairement, ouais. de rythme et Moi, il m'a fait penser à deux films, justement, It Follows et Arrival, en fait. Au niveau. Ah oui. J'ai trouvé que c'était un mélange des deux, un petit peu, mais avec sa propre sauce derrière, et c'est. Je trouvais que ça fonctionnait très bien. Le spectateur est vraiment scotché pour découvrir les mystères de la zone qu'on découvre au fur et à mesure avec les protagonistes. Il y a un attachement au personnage qui se fait, même si certains sont plus développés que d'autres, puisque. Puisqu'on a plus le temps d'en découvrir certains que d'autres, je vais pas en dire plus pour pas dévoiler, mais voilà. Et le film peut légitimement faire vraiment peur sur la fin surtout. Je sais que en plus avec l'ajout de la musique, comme je l'ai dit, moi j'étais vraiment pas bien pendant la troisième partie. Ça nous apporte, enfin. Le film apporte des interrogations philosophiques très intéressantes sur la nature humaine, sans pour autant nous laisser toutes les clés en main pour dévoiler tous les mystères que le film englobe. Et ça, c'est très bien. C'est comme Ex Machina, en fait. C'est un peu, pour faire un exemple, c'est un peu comme Ex Machina était aussi... toi, tu l'as comparé à Black Mirror. Moi, je le comparais à quelque chose de plus ancien, à Twilight Zone ou à Quatrième Dimension. Oui, à Quatrième Dimension, oui, voilà. Tout à fait. Bah, de toute façon, Black Mirror, c'est l'héritier de la Quatrième Dimension. Ouais, oui, voilà. Oui, ça, je suis d'accord. Ouais, et du coup, je trouve que c'est un peu un scénario de la Quatrième Dimension, mais voilà, fait sur 1h40, quelque chose comme ça, et enfin qui fonctionne très, très bien. Donc, pour conclure... le film est à voir, selon moi. C'est un des meilleurs films de SF de ces 3-4 dernières années. Mmh. Vraiment. Au même niveau, j'allais dire au même niveau qu'Arrival. J'ai pas encore eu le même temps de réflexion qu'avec Arrival, mais ils sont assez proches dans mon esprit et dans mon cœur. Sachant qu'Arrival, pour moi, c'est le meilleur film de SF. De tous les temps vu... Non, pas de tous les temps. Ouais. Oulala. je saurais pas dire quel est le meilleur film de SF de tous les temps. Je ne pas poser la question. De ces dernières années, même tous les Villeneuve, même le dernier Blade Runner et tout ça, comment il fait. Il marche sur l'eau. Enfin, je sais pas comment dire. pour moi, Arrival, c'était un des meilleurs films de science-fiction de toutes ces dernières années, même depuis 10 ans. Ah bah oui, même ça, bien sûr. Ouais. Le meilleur, je sais pas, mais il est dans mon top 5, hein, moi, franchement. Ouais, clairement. Donc voilà, ils proposent des choses assez similaires en termes d'ambiance, mais sont pourtant aussi si différents l'un de l'autre que ça paraît quand même un peu injuste de les comparer. Mais voilà, moi je vous le conseille énormément. J'ai passé un super moment, même si c'était très flippant à certains moments. Et pourtant, c'est bizarre parce que moi je peux passer genre devant des films genre Conjuring en rigolant quasiment. Devant celui-là, je flippais vraiment quoi pour la dernière partie parce que il y a toute une ambiance qui fonctionne très très bien. Voilà. Eddie, tu as quelque chose à rajouter ou? Bah façon, non, parce façon, que j'en ai déjà bien parlé, voilà. Mais enfin c'est vrai que c'est assez marquant comme film quand même. Enfin, moi, je l'ai bien en tête encore, donc. Ouais. Et il y a des scènes assez malaisantes, dans la maison là. Ah ça y est, il utilise le terme malaisant maintenant qu'il sait que ça existe. Oui, dans le c'est oui, oui, oui. Merci Adrien d'avoir éclairé ma lanterne. J'y repense et ça je trouve que au niveau de c'est perturbant au niveau du suspense, il arrive vraiment à bien tenir son truc et ça fonctionne très très bien. Voilà, et puis la fin, bref, la fin plus enfin voilà. c'est génial. Donc voilà, moi de toute façon je suis en train de préparer une petite critique normalement écrite, donc ça devrait arriver bientôt. Voilà, je ne promets pas de date mais j'ai déjà écrit plus de la moitié, donc voilà. On va passer à la suite du coup, et on va passer au film du mois. On est donc à la rubrique du film du mois. On va vous parler d'un film que beaucoup attendaient. Mais surtout Morgane. Surtout Morgane qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. on lui dit quand même salut, hein, il devait être là normalement. Je vais faire un petit segment où Morgan va m'envoyer une petite partie audio qu'il aura faite. Je vais essayer de faire comme s'il était présent avec nous. On verra si ça fonctionne. On appellera ça la minute de Morgan. Je suis sûr que l'esprit de Morgan, si tu es là, manifeste-toi. Je suis sûr que l'effet sera vraiment digne de qualité. Des plus grands. Ouais, c'est clair. Plus grand film hollywoodien. Bref. Passons du coup au film Ready Player One, film de Steven Spielberg bien sûr, adapté du roman Ready Player One aussi, et Player One en français de Ernest Cline, paru en 2011. En français les gens ne savent pas dire Ready en ce qui concerne les livres. À chaque fois que j'entends Ernest Cline, j'ai l'impression qu'on parle du mec qui a fait Charles de Poule, mais ça n'a rien à voir, lui il s'appelle R.L. Stine. Oui, c'est vrai, ouais. Ça se ressemble. Voilà, c'était l'argument littéraire de. C'était important. C'était important de le dire. C'était important de le dire. Ouais, c'est clair. Le film Steven Spielberg, scénario Ernest Cline qui s'est occupé de son adaptation avec l'aide de Zach Penn, qui entre autres a scénarisé les derniers Avengers, X-Men 2, mais qui a aussi scénarisé. X-Men 3, Inspecteur Gadget. Zach Penn qui n'est pas l'Indien de Dr. House. Non plus. L'Indien de Dr. House. Oui, parce qu'il s'appelle Cal Penn. Voilà. Mais tu nous sors des références. Voilà. Ouais, donc il avait aussi commis, j'utilise bien le mot commis, Inspecteur Gadget, X-Men 3, Elektra. Meilleur film. Ouais, donc et l'incroyable Hulk de Louis Terrier, voilà. Ça va à peu près. Attends, tu cites Elektra et ce film à la suite, franchement. Oui, non, c'est clair, je lui fais pas justice. donc voilà. C'est sorti aux États-Unis le 29 mars 2018 et en France le 28, voilà. Un jour d'avance. Wow. Au niveau de la distribution, là, heureusement, en fait. Heureusement qu'il n'y a pas Morgan, parce que sinon il aurait crié. Et là, on peut être tranquille, tu vois. On peut dire Ty Sheridan sans que ça provoque des mouvements de foule. Et je vais même dire le très mauvais Ty Sheridan. On en parlera plus tard. Donc, qui interprète le personnage principal Wade Watts, ou Parsival dans l'univers virtuel du film. L'Oasis. Olivia Cooke qui joue Samantha Cooke. Que vous avez pu apercevoir dans Bates Motel. Voilà. Oui, yep. Aussi. Ouais. Ben Mendelsohn. Et Mendelsohn. Dans Ouija, mais ça c'est moins grave. Ah oui. TJ Miller, Simon Pegg, Mark Rylance. Voilà pour les gros, les personnages principaux, les noms, les gros noms. Donc voilà. Film attendu quand même. Steven Spielberg, même le film, le livre. Steven Spielberg qui revient à la SF depuis La Guerre des Mondes, quand depuis même. Depuis 2005, donc ça fait 13 ans. Mm-mm. 13 ans, donc voilà. Donc, moi je voudrais laisser la parole en premier à Eddy, puisque tu es celui qui a le plus aimé parmi nous, Ready Player One, donc j'aimerais. Que tu dises pourquoi. J'adore cette émission. On finit toujours par dire des trucs négatifs. J'adore. Non, comme ça, c'est ce que les gens retiennent. Non, on commence par le positif, c'est ça. Ouais, c'est tout. Vas-y, dis-moi. Du coup, oui. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'attendais pas forcément impatiemment. Je l'attendais, quoi. Mais bon, c'était pas non plus une attente de ouf. Et ben moi oui j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que le film, enfin Spielberg réussit vraiment à poser de bonnes questions avec son film. En fait c'est plus le fond qui m'intéresse que la forme, surtout. Ouais. Parce que oui la forme, bon évidemment c'est Spielberg donc ça a de la gueule, hein. Il s'est filmé, c'est plus un secret depuis longtemps. Mais après, moi je suis pas spécialement fan, même si le film est beau, mais c'est pas ce qui me marque, c'est clairement pas le film visuel de Spielberg qui m'aura le plus marqué, ça c'est sûr. Ensuite, non, ce qui me plaît vraiment, c'est le fond, dans le sens où... bon, alors Spielberg, évidemment, joue avec la nostalgie, avec toutes les références, mais il nous met aussi face à notre propre nostalgie en tant que spectateur, tout en nous posant la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de voir au cinéma aujourd'hui aussi, quoi. Et en fait, il arrive vraiment à... Son discours ressort bien, je trouve, du film, là où, par exemple... ça fonctionnait pas sur d'autres films sortis récemment, qui abordaient un peu cette question-là aussi, mais de manière beaucoup plus... Enfin, c'était vraiment sur des niveaux de lecture plus en dessous, moins apparents. Et là, je trouve que c'est à la fois au cœur du film, et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, tout en posant cette question-là, qui est quand même assez... c'est un peu pessimiste par rapport au cinéma actuel... Où, à défaut de faire dans l'originalité, on va jouer sur la nostalgie du public et on sait que ça fonctionne de toute façon. Lui décide quand même de faire un film qui joue de ça parce que bon, c'est aussi le sujet. Toutes ces références-là, il ne pouvait pas ne pas les intégrer. Mais il arrive, je trouve, vraiment à conjuguer les deux. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment trouvé le fond très intéressant plus que la forme, même si bien sûr, c'est pas moche quoi, mais c'est vrai que Spielberg, le tout effet spéciaux comme ça, je trouve fonctionne moins que lorsque c'est utilisé plus avec parcimonie. Après, ça a du sens là en l'occurrence. Mais bien sûr, oui. C'est pour ça que je l'ai même pas mis dans ma critique parce que c'est évidemment oui, que ça. Ouais. Mais oui. Ça fait partie intégrante du film. Après, je suis pas fan de tous les choix visuels, en fait. Ouais. Oui, ça, de toute façon, à ce niveau-là, c'est tellement riche que forcément, il y a des trucs qu'on va trouver moins réussis que d'autres. Hein, ça, forcément. Alors, il y a une petite question que je me posais, moi. C'est que... alors, attends, le film est produit par Warner. Oui. Le film est produit par Warner, mais Spielberg utilise donc le T-Rex de Jurassic Park. Oui. Donc, qui est clairement le même T-Rex en 3D que Jurassic World. Hein. Ouais, donc Universal. Voilà, donc Universal. Mais par contre, il cite King Kong, mais c'est pas du tout la version de Peter Jackson. C'est complètement la version de Peter Jackson qu'on nous montre. Bah, il ressemble pas à celui de Peter Jackson. Hein. Ah bon ? Bah alors, c'est peut-être le Kong de Skull Island alors ? Oui, plus, je trouve. Ouais, c'est possible. Hein. Mais je trouve ça bizarre justement d'avoir pris celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que il reprend pas tel quel. Ça, j'en parlerai plus tard quand je parlerai du film. Mais c'est-à-dire que il s'offre, et c'est là que c'est vachement intéressant, des visions qui sont des visions que nous spectateurs on a des films. C'est-à-dire qu'il y a rien dans le film qui soit exactement la même chose que l'œuvre d'où c'est inspiré. C'est toujours du point de vue du spectateur et du point de vue du mec qui regarde. Donc c'est là que c'est intéressant, je pense. Et je pense que c'est de là que ça vient aussi. Le King Kong, c'est un petit peu un combo des King Kong qu'on connaît, parce que c'est l'image qu'on a dans la tête de King Kong, quoi. Oui, parce que finalement, il est plus petit que celui de Kong Skull Island, qui était énorme. Bah oui, parce qu'il était fait pour affronter Godzilla, donc c'est normal. Oui, voilà, il est gigantesque. Celui de Peter Jackson, d'un côté, est beaucoup plus petit. Oui, c'est ça. Et là, il est... En fait, oui, c'est ça, il aurait un peu la taille de celui de Jackson et... Et la gueule de... De celui de Kong, Skyland. Et même un peu de celui du King Kong en pâte à modeler de l'original. Hein. Il y a beaucoup d'inspiration. Ouais. Donc ça, c'est une petite question que je me suis posée. Après, justement, en parlant de référence, bon, évidemment, hein, ça fait plaisir. On est toujours... C'est un plaisir de spectateur. Après, qu'on aime le film ou pas, je pense que c'est vrai que ça, c'est toujours agréable de revoir... Certains trucs qui ont parcouru notre enfance ou notre adolescence. C'est un peu facile, c'est vrai. Ouais. Mais bon, après, c'est le sujet aussi, quoi. Donc, je vois pas vraiment, en fait, comment il aurait pu éluder le truc. Il aurait pas pu. Surtout que, moi, ce qui me plaît quand même, c'est que Spielberg ne s'auto-référence pas trop. Oui, d'ailleurs, c'est il plus pas... par petites touches, parce que c'est vrai que le T-Rex, on le voit une fois, quoi, par exemple. Il voulait pas le faire vraiment, et c'est l'auteur, Ernest Payne, qui lui a obligé à au moins utiliser la DeLorean et à mettre le T-Rex une fois. Moi, je pense que Spielberg, dans n'existe pas dans cet univers-là, parce que le T-Rex qu'on nous montre, ça peut très bien être un dinosaure, comme tous les gamins veulent jouer avec des dinosaures, Ouais. mais ça ressemble plutôt à celui du Jurassic World qu'à celui du Jurassic Park. Ouais. Oui, Et la c'est vrai. DeLorean, c'est même si Spielberg a participé au film, c'est quand même un film De de Robert Zemeckis. Zemeckis. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, vu comme on connaît la modestie, je dirais, de Spielberg aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas référencé dans le film. Ou alors par des biais comme ça qu'on peut trouver. Mais je pense que. Alors que c'est là qu'on voit qu'il est très modeste, parce qu'il aurait pu nous mettre E.T. Hein. E.T., ça a bercé notre enfance à tous, même si moi, qui suis pas très fan de Spielberg, je l'admets Bah, qu'E.T. tout a le monde bercé mon connaît. enfance. Et tout le monde connaît. Or, il n'est pas dans le film. Moi, je pense que ça a du sens aussi, ça. Après, bon, c'est quasiment impossible de voir toutes les références aussi. Faut vraiment attendre que le film sorte en Blu-ray pour mettre image par image, Oui, il y a plein de gens mais qui le font déjà. ouais, enfin, y a vraiment des gens qui ont que ça à faire surtout. Mais après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de références qui ressortent, mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas que des références faciles non plus. C'est pas, enfin, c'est des trucs connus, mais c'est pas forcément celles auxquelles j'aurais pensé Non, en c'est un film premier, qui est très quoi. cultivé, hein, de toute façon. Donc voilà, et puis ben, c'est intéressant quand même que Spielberg finalement pose un regard aussi sur cette pop culture qu'il a un peu engendrée quand même, un peu Ouais. beaucoup même. Donc voilà, moi j'ai trouvé le film bon, excellent je sais pas, mais j'ai trouvé ça très bon quand même. Après en termes de casting, je dirais que... Et de scénario, alors oui, de scénario d'abord, bon certes c'est bateau, hein. C'est ultra bateau, ça use quand même de certaines grosses ficelles. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas pour ça que j'apprécie le film, c'est vraiment pour ce qu'il raconte derrière. Donc Oui, du c'est coup... un scénario qui il fait simplet comme ça, mais Mais il y a est-ce tellement que... de Bon choses qui après, véhiculent derrière c'est vrai que. Ouais. que... Est-ce que le fond excuse vraiment la forme, quoi? Je pense, moi je pense, mais. Ouais, mais je suis pas... C'est-à-dire qu'après, là, on parle de la Enfin... présence du fond, après de ce que dit le fond, on pourra en discuter Je aussi, suis parce un que je peu sais qu'avec partagé. Axel, on a des réserves énormes, Je mais on pense ne que peut pas dire que ce soit j'apprécierais un film moins en bête. revoyant. Je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit un film bête de toute façon. Même Non, si non, non, on. non, non, Ouais, non, non. même C'est si, pas voilà, moi crétin, j'ai hein, des gros c'est... doutes sur le message. C'est-à-dire qu'il est là, pour moi il est présent, mais voilà, j'ai des gros doutes Ouais. sur sa pertinence. Je dirais qu'il y a quand même un fond et que c'est quand même un film qui est très intelligent, quoi. Même si il a l'air un peu bateau comme ça, je pense que c'est un film Bon, est-ce qui. que Spielberg a déjà fait un film complètement con? Ah bah non, je pense pas, enfin j'ai pas de souvenir là maintenant. Même Non. si je trouve qu'on surinterprète un peu des films comme Jurassic Park ou Jurassic Park 2, mais à part ça, Ah non, il a ouais? jamais fini. Bah oui, parce que je trouve qu'on en fait une critique du capitalisme et tout ça, je trouve que c'est. Je pense qu'on projette dans le film ce qu'on a envie d'y projeter. Mais après, bon, chacun, oui, voilà, Non. Bah, chacun bon, après, analyse comme il veut, tout ça. Attends, critique du Jurassic capitalisme. Park, enfin, si c'est pas une critique du capitalisme, c'est quoi? Je sais pas, non mais je sais bien, moi je l'ai pas, encore une fois, je l'ai pas perçu, mais je critique pas ça. Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, oui, Spielberg a jamais fait de film comme ça, divertissement au premier degré, qui disent rien, quoi. Non. Ça s'est jamais Mais je arrivé. pense qu'il n'en est pas capable de toute façon. Bah, je sais même pas s'il a envie de le faire, enfin, Il n'a pas c'est. envie, je pense qu'il n'en a pas envie, mais je pense qu'il a trop de choses à dire et je À pense dire qu'il oui, c'est a... ni un Peyton Reed, ni un machin, oui, c'est un mec qui a des jeux derrière quand même. C'est ça, donc je pense que... En plus, de toute façon, ça ne l'intéresse pas, oui, en fait, de juste divertir. Parce que même quand il adapte Hergé, il y a du fond derrière. Et donc du coup on s'éloigne un peu, mais alors c'est vrai, oui, alors c'est vrai qu'on va clairement pas le voir pour le scénario, hein. Le film, bon, c'est un film, on parle de jeux vidéo, c'est un peu ça, hein. C'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, Oui, ça c'est vrai. C'est le point de vue de la structure, c'est vrai. bon, c'est vrai que c'est assez simple, je pense pas, enfin de toute façon clairement, oui, c'est pas le scénario son point fort. Mais après, je dirais qu'une construction en trois actes, c'est aussi un motif du divertissement américain, Ouais. ultra Alors connu et ultra là où ça utilisé, quoi. fonctionne quand même, je trouve, si quand même ce que le scénario a pour lui, c'est que justement, oui, comme tu dis, cette construction en trois actes permet d'avoir un rythme soutenu. Oui, ça, je suis d'accord, Parce que on j'avais s'ennuie peur, jamais. je voyais le film 2h20, je me suis dit, ah, ça va peut-être être un peu long. Bon, après, je sais que Spielberg a du mal à faire des films courts aussi. Et moi, je me suis pas. Bon, je ressors toujours l'anecdote, souvent, je regarde mon portable à un moment donné dans le film, souvent, ça m'arrive. Pour voir par rapport à quand la séance a commencé. C'est vrai que là, je ne l'ai pas fait. Et en Ouais. général, quand je ne le fais pas, bon, je me dis, c'est que, en tout cas, en ce qui me concerne, le rythme fonctionne. J'ai été dedans du début à la fin. Donc, bon. Je trouve que le scénario, quand même, fonctionne là-dessus. C'est que c'est. Oui, effectivement, c'est simple. Mais c'est vrai que ça permet au rythme de pas de rester constant, quoi. Oui, t'as pas des noms de tunnels de dialogue explicatif et tout ça. Non, non, non. Ouais. Et c'est vrai que ça, quand on me l'a vendu comme un truc pop à 200 à l'heure, c'est ça, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et ensuite, pour finir, au niveau du casting. Bon alors Ty Sheridan, bon je le trouve, en fait c'est pas qu'il est pas bon ou pas oui, bien, voilà, tu le remplaces par un autre acteur, c'est pareil, enfin c'est, ouais je veux dire, ils auraient mis je sais pas, prendre un autre acteur jeune, Tom Holland par exemple, je pense que ça aurait été pareil. Voilà, non il est pas très bon, ça, je suis d'accord, c'est vraiment pas un très bon acteur. Alors c'est vrai que pour le coup, Morgan, tu nous répondras, hormis l'aspect physique, comprends pas en fait ce qui te marque tant chez cet acteur-là. Il est très bon dans certains films, dans des films comme Joe, ou dans des films. Il peut être très très bon, mais le problème, c'est que là, c'est vrai que dans Ready Player One, c'est vraiment random héros masculin blanc, numéro 490. Bah oui, voilà quoi. Il a pas des expressions. Après, c'est un beau mec, hein, mais. J'ai envie de dire parfois. Un regard bovin. Un peu parfois. Oui, il fait un peu aider un Kristen Sen, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, c'est vrai que j'ai beaucoup plus été. Même. Après, le personnage, il est sympa, il est touchant, il est. Voilà. Mais j'ai beaucoup plus apprécié, par exemple, le jeu de Olivia Cooke. Oui, mais ça, c'est une très grande actrice déjà. Voilà, elle est très. Bon, de toute façon, dans Bates Motel, elle est déjà très bien. Ouais. Et heureusement qu'elle est dans Bates Motel, ça nous permet de. Alors attention, parce que là tu. Mais ça nous permet d'apprécier un personnage qui est moins psychopathe que les autres. Oui, là, je préfère le dire comme ça. Oui, non, j'aime beaucoup Bates Motel. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et après, je trouve que Ben Mendelsohn est vraiment, c'est vraiment un bon acteur aussi. Je trouve qu'il est, enfin, il est vraiment. Enfin, je l'ai vu que dans Rogue One, moi. Oui, mais après, il joue un rôle qui est tellement taillé pour lui que c'est pas difficile. Bien, quand même. Ouais. Ben, il joue bien le méchant, ça lui va vachement bien, je trouve. Je veux dire, c'est pas non plus Octopus, ou c'est pas non plus. Il est bon, mais je veux dire, c'est tellement facile de faire jouer ce rôle-là à Mendelsohn. Tu vois, c'est le méchant, bon, le patron de firme, la costard cravate et tout, mais qui va dans l'action aussi, et ça, c'est cool. Oui, ça c'est vrai, ça, je suis d'accord. Et je trouve que c'est assez cool. Et après, les autres personnages, là, qui font la team un peu de. De Wade, ils sont tous très bien, je trouve. Enfin, ils sont pas très connus, c'est vrai, mais je trouve que voilà, il y en a pas un qui m'a plu. Oui, alors qu'ils jouent des personnages un peu unidimensionnels quand même, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des personnages très écrits, quoi. Mais bon, c'est vrai que ils sont là et je trouve qu'ils existent aussi, quoi. Mais de manière générale, je trouve que tous les personnages existent dans le film. Et bien sûr, Mark Rylance, que je trouve plutôt bon. Aussi, qui arrive vraiment à. Enfin, il a vraiment. Enfin, ça, après, c'est très particulier hein, comme jeu, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que ça peut facilement passer pour un gag, en fait. Ouais. Et c'est très difficile à capter la signification du personnage, de la manière dont il est joué. C'est vrai que c'est très difficile à capter. On dirait qu'il nous fait une parodie de Tim Burton un peu. Un petit peu. Mais après, je pense qu'il se voit lui-même dans le personnage. Tout ça, c'est un personnage qui a beaucoup de sens, je pense. Non, après, c'est vrai que là peut-être là où j'attendais quand même à ce que le film me parle de quelque chose, c'était de la réalité virtuelle, finalement, parce que c'est quand même un peu le sujet du film. Hein. Oui. Il en parle, mais... C'est léger, C'est là le gros problème, hein, pour moi. On verra Il aurait pu, quand même, je pense, aller plus loin. C'est-à-dire qu'il en parle, mais ce qu'il en dit, pour moi, c'est... Enfin, bref. Plus tard. Et c'est vrai, alors oui, effectivement, peut-être que la fin, la morale de fin est un peu bateau, mais après, je pense qu'il ne faut pas la prendre non plus qu'au premier degré, quoi. C'est un peu bête de la prendre qu'au premier degré, je pense. C'est pas. Encore une fois, je pense qu'il y a le fond derrière qui est là et qui depuis le début du film, nous rappelle bien que, oui, effectivement, la réalité, c'est bien, mais de toute façon, le virtuel a aussi sa place, finalement. Oui, moi, je pense que c'est... On en parlera c'est plus tard. C'est pas un film anti-virtuel. C'est une de ses œuvres, comme Blade Runner ou quoi que ce soit, dont le réalisateur lui-même n'a pas compris l'intérêt, quoi. Mais bon, on verra ça plus tard. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres comme ça qui existent, comme le Shining de Stephen King, le bouquin, choses comme ça, où c'est tellement bien que l'auteur lui-même comprend pas ce qu'il y aurait à retenir du film, potentiellement. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Donc voilà, moi c'est ce que c'est ce que j'en dis. Après voilà, ça reste un, j'en garde un bon souvenir. Je sais pas s'il sera dans mon top. Ouais. Pour le moment, je pense pas. J'ai vraiment bien aimé, ou alors il sera 10e, quoi, 19e. Est-ce que franchement, tu serais prêt à le revoir là quasiment tout de suite? Alors tout de suite, non. Moi, je Mais je le reverrai, ça c'est sûr. Bon, après, on l'achètera parce qu'Alex a adoré. Donc bon. D'accord. Mais oui, bah alors, oui, forcément. Mais bon, après, on n'avait pas les mêmes attentes non plus. Mais bon, c'est vrai que ça. Alors, on voit la DeLorean avec en plus la DeLorean qui a le petit. Comment. Oh merde, les lumières là de K2000. Ah oui, de kit. Oui, voilà. Donc bon. Ouais. Mais oui, bien sûr, tout ça c'est cool. C'est vrai que voilà, si tu prends le film que pour ses références, bon, tu t'éclates quoi. Moi après c'est pas je ne voulais pas ça, c'est pas ce qui m'intéressait, enfin ça m'intéressait oui, mais je n'allais pas voir le film que pour ça. Donc je comprends que bon, quelqu'un de plus lambda qui a envie de se vider la tête et qui a envie de passer un bon moment, forcément ça fonctionne à fond la caisse. Mais voilà, oui, alors je le reverrai. Je pense que je pense que j'apprécierai moins la deuxième fois. Ouais. Mais pour le moment, c'est vrai que je peux pas nier que j'ai passé un mauvais moment et je trouve que le fond quand même est vraiment intéressant. Okay. Ça, je le retiens. D'accord. Voilà, voilà. Je l'ai pas annoncé au début, mais on va faire après une petite partie spoiler quand même parce que. Ah d'accord, on le fait après. Ok. Ouais, puisque Adrien veut quand même parler de la fin et etc. Donc et puis je pense qu'on a des choses à dire dessus. Donc on vous annoncera quand ce sera la partie spoiler. Mais je vais d'abord te demander du coup à toi Adrien ton avis sans la partie spoiler. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé du film? D'accord, du coup ça va être un peu complet. Je dirais que je dirais que pour la globalité, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et c'est d'autant plus surprenant que moi, comme je le dis souvent dans les émissions, je suis pas un grand fan de Spielberg. J'aime plutôt bien certains films de sa SF, c'est-à-dire que la plupart j'aime E.T., Rencontre du troisième type, Minority Report, j'aime vraiment vraiment beaucoup ça. Ouais, moi aussi. Guerre des mondes. Guerre des mondes, ouais, c'est assez réussi aussi. Voilà. J'y allais sans aucune attente. Sans aucune attente. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est intéressant ce que tu as dit, Eddie, parce que tu disais que quand on y va pour se vider la tête, c'est beaucoup de choses intéressantes, tu sais. Oui, mais il y en a une que j'ai envie de reprendre. Et donc, c'est ce que tu disais, voilà, sur le fait que quand on y va pour se vider la tête et que quand on y va pour voir les références, à ce niveau-là, c'est réussi. Bah, c'est un peu toute l'ambiguïté, un peu quasi malsaine, mais très réussie du film. C'est-à-dire que Warner peut tout à fait nous le vendre, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec un film où il y a plein de références, avec un film où on va voir King Kong se battre contre le T-Rex ou je sais pas quoi. Et c'est un film qui est pas dans ce genre-là. Je me suis dit à partir du moment où un film cite Mechagodzilla quand même, qu'on va loin dans les références. Voilà, c'est ça. Bon, donc c'est ce que je me suis dit pendant le film. Je me suis dit bon, ok. Alors là, il y a certaines. En plus, c'est vers là. Bon, c'est vers bon. Entre guillemets spoiler, c'est vers la fin qu'on voit cette référence là. Et du coup, je me suis dit ah oui. Donc effectivement, j'ai dû en louper pas mal depuis le début. Non, mais c'est un mec qui a une grande culture. Et ouais, mais je pense que le roman à la base a déjà. Enfin, ouais, je pense que c'est. Bah oui, mais je pense que c'est pas que Spielberg justement en fait. Non, mais tout ça vient du roman. Hein. Ouais. Ça vient pas de Spielberg. Quand il cite Gundam, à mon avis, Spielberg il a jamais vu Gundam. Enfin, mais non plus. C'est une série animée japonaise, voilà. Bref, c'est pour ça. Mais voilà, non, vas-y, continue. Là. Ouais, du coup, je pense que c'est là que c'est réussi parce que d'un autre côté, c'est un film qui a un fond certain dont on parlera plus tard, mais qui est vraiment un film intelligent et qui d'un autre côté, du point de vue du divertissement, mais c'est incroyable. Enfin, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a des morceaux. Bon, c'est pareil. Ah, j'ai que du spoiler dans la tête. Là. Il y a des, je dirais qu'il y a des morceaux de cinéma dedans. Il y a vraiment, je sais pas, quelque chose de, du point de vue du rythme, c'est incroyablement fait. C'est-à-dire quelque chose de générationnel aussi. T'arrives. Ça va marquer un peu. Ouais. Au début du film, comme moi, avec zéro attente, mais pendant 2 heures, tu sais, mais avec la banane, quoi. Vraiment, tu souris, mais au dernier. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que de ce point de vue-là, bon, voilà, moi, j'ai été extrêmement surpris de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est très bien fait. Je trouve que du point de vue de la caméra, c'est intéressant parce que je reproche toujours à Spielberg de pas tenir en place. C'est-à-dire que pour le Tintin, moi, c'est un des reproches que j'ai à lui faire. Bah, pour le Tintin, c'est le reproche que j'ai à lui faire, mais c'est un reproche très personnel, encore une fois. C'est que moi, Tintin, pour moi, c'était vraiment quelque chose de paisible et quelque chose de, Mmh. voilà, qui prend son temps, machin truc. Et là, le Tintin qu'il a fait, autant j'adore le film parce qu'il est plein de références et il est très cultivé et très amoureux de Tintin. D'un autre côté, la caméra qui C'est va un très bon partout dans Indiana les trucs, Jones, dans les hein. machins, qui bouge partout, la caméra qui va en haut, en bas, à gauche, à droite, machin. Je suis épuisé dans les scènes de dialogue et la caméra n'était pas foutue de tenir en place et tout ça. Tandis que là, je trouve que on reproche beaucoup au film de pas laisser le temps d'apercevoir les références. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que d'un autre côté, ça montre qu'elles sont pas là pour qu'on les, pour particulièrement pour qu'on fasse du name dropping à chaque fois qu'on les voit, du genre ah là c'est le T-Rex, là c'est machin, là c'est truc. Et d'un autre Ouais, côté, comme si t'avais ouais, une télécommande où t'appuies à chaque fois que c'est t'en vois une, ça. ouais. Et d'un autre côté, l'univers est très bien construit et la manière dont c'est fait, dont c'est filmé, je trouve, lui rend vraiment vraiment hommage. Après, du point de vue des avatars, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux pas dire que je sois très fan du visuel non plus, mais je peux pas dire non plus que ce Ouais. soit raté. C'est-à-dire Non, que non, mais c'est. non, Ouais, oui, mais non, moi mais aussi, oui, hein, c'est-à-dire, ouais, parfaitement. c'est-à-dire que c'est un film tellement riche, il y a tellement de choses à voir dedans que forcément, il y a des trucs que il y a des trucs que tu vas bugger, quoi. Il y a des trucs que tu vas dire, non, Mais en fait, ça c'est c'est que pas beau, ça j'ai c'est vraiment la machin. sensation, parce que ces avatars, finalement, ils sont importants quand même. C'est les Tout à personnages, fait, une oui, fois c'est qu'ils sont ça. dans l'oasis. Et Ouais. en fait, c'est que par rapport au reste, par rapport à plein d'autres références, du coup, qui avaient de la gueule et tout, mais je les trouvais un peu too much. Oui, ça, je Je suis trouvais en d'accord. fait que je trouvais qu'en fait c'est ce qui m'a un peu embêté, c'est que bah, ces avatars finalement ne ressortaient pas suffisamment par rapport à tout ce que le film propose visuellement à travers les Ouais. autres références en fait. Ouais, après, d'un autre côté, moi, quand je joue à des jeux comme Skyrim et tout ça, c'est vrai que quand je construis mon personnage, j'ai tendance à lui mettre plein d'équipements stylés et tout ça, c'est vrai qu'on a tendance un peu à faire du too much quand même. C'est-à-dire que si on sortait un film avec plein de références, c'est vrai que j'en foutrais partout sur mon personnage, je pense, hein. Je lui mettrais la cicatrice d'Harry Potter, je lui mettrais les lunettes, je lui mettrais machin truc, enfin je mettrais vraiment plein de trucs. Donc d'un autre côté, encore une fois, je trouve que c'est pertinent. Après, bon alors là c'est spoiler, parce que je voulais parler de la deuxième épreuve. Bah oui, là c'est spoiler aussi parce que je voulais parler de la fin. Bah je vais plus ou moins m'arrêter là, je crois. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est-à-dire que juste au niveau du jeu d'acteur, c'est vrai, bon là encore une fois, désolé Morgan, c'est un pavé dans la mare, mais Ty Sheridan. Je dirais pas qu'il est mauvais, hein. Il est pas comme dans X-Men Apocalypse non plus, mais je veux dire qu'il est. Là, pour le coup, c'était épouvantable. Mais là, je dirais Là, il que. avait les yeux cachés dans X-Men Apocalypse. Ouais, Ah, c'est c'est ça, vrai qu'il il a avait joué l'air dans encore X-Men plus con, il Apocalypse, ouais. ressemblait à Keanu Reeves dans Matrix. Mais là, c'est vrai que dans Mais Ready Player finalement, je crois que je l'ai One. trouvé meilleur dans X-Men Apocalypse, moi. Ah Moi ouais, aussi, faut la moi vache. aussi. Bah, ouais. Mais Ah, en je sais fait, pas. c'est que je... Pour moi, le personnage est tellement mal écrit que Autant... Parce que c'était autant, peut-être c'est aussi vrai le que problème. dans Tree of Life, il est petit, donc bon... Non, Il a mais ouais. vraiment... Enfin, il exprime des trucs... Et après, c'est vraiment pas Ouais. l'un des rôles principaux dans le film, Oui, non, mais comme je disais tout à l'heure, de même dans Joe ou dans des Alors films comme après, ça, je me rappelle il plus peut être très Mud, bon, hein. je m'en rappelle plus trop. Mais c'est vrai que dans X-Men, finalement, fin, je pense que c'est le regard de ce personnage, en fait, de cet acteur qui me gêne, parce que je trouve qu'il exprime pas grand-chose avec le regard, et c'est vrai que moi, Non je mais suis c'est pas un assez... très bon acteur, on le sent pas concerné, je trouve, on a l'impression qu'il se fait chier, j'avais l'impression de regarder un peu Ben Affleck dans Justice League, tu vois, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il savait pas trop ce qu'il foutait là, quoi. Bah, il est neuf. Je commence à tailler Justice League alors que je l'aimais, putain, faut Ouais, vraiment que je ferme ma pile, moi. c'est ce que j'allais dire. C'est un mec qui adore Justice League qui dit ça. Qui adore Justice League, calmons-nous quand même, mais Qui aime Justice je League. trouve ça pas mal, quoi. Mais bon, bref, du coup, là, c'est vrai que bah, il est pas très bon, quoi. Olivia Cooke est formidable à côté, forcément en plus ça déteint parce que Olivia Cooke à côté elle est incroyable, je dirais qu'elle communique des émotions et des expressions, je veux dire même tu la vois dans le monde virtuel, je veux dire on voit bien que tu reconnais Olivia Cooke d'instinct, dans l'instant quoi, c'est-à-dire qu'avec ses grands yeux, ses machins, enfin vraiment c'est une très très bonne Ah actrice. oui. Ouais, Ben Mendelsohn, bah comme je le disais tout à l'heure. Oui, il est bon, mais est-ce que c'est pas la facilité Mais bien des sûr que c'est concertantes facile. de faire jouer Si, si. Ben Mendelsohn à ce personnage? Je veux dire, on savait Oui, non, qu'il mais c'est savait jouer ça, facile. Mais quoi. c'est vrai qu'après, il le Ouais. fait tellement bien que voilà, ça se boude pas, quoi. Voilà l'espèce d'archétype, enfin de l'espèce de Spielberg là, comment il s'appelle, de Spielberg Burton là, comment il s'appelle, le mec qui construit Mark la. Rylance? Ouais, Mark Rylance, il est plutôt très bien. Moi, je l'avais déjà vu dans Bridge of Spies et je trouve que il Ouais. dégage vraiment quelque chose. Après, bon, toujours pareil, est-ce que le personnage est très approfondi, est-ce que c'est. Ça peut se discuter, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même un film qui arrive à communiquer quelque chose, qui est très réjouissant du point de vue du divertissement. Et je pense que si on va le voir que dans cette optique-là, on peut adorer. Après, et là je vais m'arrêter là parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais je dirais que du point de vue du fond, autant c'est un film extrêmement intelligent, autant ce qu'il dit, me pose mon problème. Voilà. Ok, très bien. Ok, bon, ben alors, on va faire la transition super naturelle. Morgane, toi qui étais là depuis le début, dis-nous ce que tu penses de Ready Player One. Voilà. Alors, moi j'ai vraiment adoré Bébé Taille et compagnie. On a la voix de merde que moi j'aimerais bien être la manette de Taille Sheridan, hein, franchement. Désolé Morgane. Déclare ta flamme à Taille, tout le monde t'écoute. Bonjour tout le monde. Alors déjà, je suis désolé de pas être avec la team habituelle dans le podcast. J'ai un petit contretemps familial qui fait que j'ai pas pu me joindre à eux. Hein. Je vous fais des gros bisous tous les trois. J'espère que vous pensez bien à moi, surtout dans le cas de ce film que j'attendais. Et franchement, ça m'embête de pas pouvoir en parler en direct avec vous. J'aurais bien eu envie de trucider Adrien sur place. Parce que je crois qu'en plus il a dit que Ty Sheridan, n'était pas très bon dans le film et du coup faut le taper. Enfin bon, vous le mettrez dans les commentaires que évidemment Adrien est à bannir en place publique. Donc voilà, je suis désolé de pas être avec vous, mais en tout cas je vais quand même en parler parce que je tiens absolument à dire mon avis sur ce film que je considère comme un chef-d'œuvre que j'ai vu deux fois et je tenais vraiment à le voir deux fois ce film parce que la première fois, il y a quand même l'effet de la hype, l'effet de l'excitation, toute cette attente qui a grandi en moi pendant deux ans et qui n'a fait que s'amplifier de mois en mois à chaque fois qu'il y avait des nouveaux détails sur le film qui sortait. Et la deuxième fois, pour avoir un recul et analyser le film plus en profondeur et sur son importance réelle, parce que je dois dire qu'en sortant de la première séance, j'étais totalement fasciné par ce que j'ai vu. Pour moi, j'ai eu l'impression, et c'est une impression que j'ai toujours aujourd'hui, que ce film-là est un peu le cadeau ultime de toutes mes années de cinéphilie, mais pas que. Il y a aussi mes années d'amour à la culture pop. C'est un film qui est extrêmement généreux dans sa déclaration d'amour. Et plus qu'un film qui a des belles promesses et qui a des belles choses à l'écran, c'est quelque chose d'assez nécessaire dans son propos. Parce qu'on est chez Spielberg, on va le rappeler, il n'y a pas que la maîtrise technique, il y a aussi la profondeur des thématiques, la beauté évidemment de son univers, de ses personnages, le respect de ses personnages. Voilà, cette absence de cynisme. Comment un réalisateur de cette... avec cette aura-là, arrive à parler de la pop culture et de l'univers geek avec une sympathie comme j'en ai rarement vu. Parce que moi, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que les geeks au cinéma, dans le cinéma américain, sont quand même, soit sont respectés et sont vénérés, et comme dans les films de Edgar Wright, par exemple, mais je trouve qu'il y a quand même une tendance à taper sur les geeks, à se moquer d'eux. Et finalement, les films pour les geeks deviennent facilement des espèces de parodies où il faut rire des personnages et on les trouve jamais héroïques. Ils sont héroïquement crétins. Alors que là, je trouve que Spielberg pose un regard d'une bienveillance qui est gratifiante, je trouve, en tant que spectateur, parce que moi, je m'identifie effectivement à ces personnages-là. Parce que les références qu'il nous amène dans le film, on les connaît. Enfin, moi, je les connais. Pas toutes, hein, mais je les connais. Et évidemment, je ne vais pas les citer. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez jubilatoire à voir toutes ces références nous arriver à la gueule comme ça. Et là où j'ai envie de défendre le film, parce que avant que le film sorte, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur d'un effet Stranger Things. Moi, j'aime pas vraiment Stranger Things, même si j'aime bien la saison 2, mais qui a beaucoup de défauts aussi, qui reprochait à ce film d'être dans une espèce de nostalgie doudou pour un public en mal de leur enfance. Et c'est pas du tout ça, parce que évidemment il y a de la référence, évidemment il va jouer avec tout ça. Mais ce sont des références qui ont un intérêt dans le récit, qui font partie du récit. Il y a une scène, je ne sais pas si elle a été citée, j'espère que les gars vous ne l'avez pas faite, mais en tout cas il y a une scène où il est question d'un film, dont je vais taire le titre, même si tout le monde l'a vu, mais pour les quelques personnes qui n'auraient pas vu le film, je préfère ne rien dire. À ce moment-là, c'est de l'ordre du jamais vu. C'est comment Spielberg se dit, je vais pas faire que de la référence. Le name-dropping, au final, juste pour le name-dropping, ça ne sert à rien. Je vais jouer avec mes références. Ils vont avoir une utilité réelle dans le récit. Quand on voit King Kong dans la bande-annonce, le King Kong qu'on voit dans le film, c'est pas juste pour faire joli. King Kong, c'est un vrai élément important, c'est ce qui va amener de la péripétie dans la scène qu'on est en train de voir. Et je trouve que Spielberg, à ce niveau-là, il a maîtrisé totalement le film, qui est quelque chose d'assez ambitieux, que je considère, à mon sens, comme aussi ambitieux que l'était Avatar en 2009, que l'était Fury Road en 2015, que l'était Gravity en 2013. Et je vais même citer un autre film, et que je vous invite à voir et à revoir si jamais vous êtes passé à côté, ce qui était mon cas, c'est le Tintin de Spielberg, que je trouve techniquement d'une virtuosité absolue, et qui a, je pense, son importance dans la liste des films clés dans l'histoire du cinéma. Voilà, revoyez ce film, voyez-le. Là aussi, Spielberg s'amuse avec les codes du jeu vidéo, il en fait quelque chose d'absolument fou. Et Ready Player One, c'est tout ce que je rêvais de voir, je l'ai eu, mais ce ne sont pas que mes fantasmes, c'est pas subjectif. Évidemment, j'en joue un petit peu, Ty Sheridan, et j'en parlerai évidemment. Évidemment, j'étais en extase devant le film parce qu'il est absolument parfait. Mais je vais vous dire quelque chose, j'ai même douté pendant le film. Au tout début, je me suis dit, bon, j'aime l'acteur pour des raisons qu'on connaît, mais j'avais peur qu'il ne réussisse pas à incarner un héros Spielbergien. Parce que Ty Sheridan, subjectivité mise à part, c'est quelqu'un qui a le don d'être, enfin qui a un talent pour les rôles profonds à émotion. Il est excellent chez Jeff Nichols par exemple. Mais là, pour incarner un héros pendant un quart d'heure, j'étais là, j'ai peur qu'il n'y arrive pas. Et en fait, oui, parce que le personnage gagne de l'épaisseur, parce qu'au début, le personnage de Wade, c'est un petit con finalement, qui comprend pas vraiment ses références, qui c'est juste des références pour des références. Et tout d'un coup, cette quête au sein même de l'Oasis va devenir pour lui un récit initiatique. C'est qu'il va comprendre que les références, il faut pas les maltraiter, il faut les utiliser avec bienveillance. Et c'est là-dessus que le film puise toute sa force et sa beauté profonde. C'est amené par ce personnage de James Halliday qui est magnifiquement incarné par Mark Rylance, et d'ailleurs le choix de Mark Rylance est ingénieux, je trouve. Cet acteur me bouleverse, il a un regard d'une profondeur incroyable et il est très émouvant à regarder. Et ce personnage-là apporte à ce film toute sa dimension profonde sur la culture geek. C'est-à-dire que la culture geek, c'est pas des références pour... Voilà. Non, c'est quelque chose qu'on doit respecter, c'est quelque chose qui fait partie, finalement, de chacun de nous. Et il faut pas considérer ça comme une espèce de cour de récréation, mais enfin, je trouve qu'il y a un discours sur ça qui est absolument émouvant et qui, moi, m'a fait verser quelques larmes. Et à travers ça, il y a des scènes réjouissantes visuellement. On est à un niveau, mais exceptionnel, c'est d'une beauté. Je crois que je verrai pas plus dynamique, pas plus généreux cette année en termes de blockbuster. Là, il y a Infinity War qui va arriver et il a intérêt de l'égaliser et c'est pas gagné. Mais en tout cas, j'ai trouvé le voyage absolument splendide. J'espère que le film est en train de marcher, donc ça va amorcer, je pense, une franchise comme il était prévu de base. J'espère que Spielberg va rester maître de cette franchise-là, parce que c'est toute la bienveillance de Spielberg qui fait la différence. On aurait filé ça à un faiseur, je ne citerai pas de nom, mais on aurait tout de suite eu des personnages ridiculisés. Alors que là, ce sont des personnages qui ont leurs défauts, qui ont leurs faiblesses, qui ont leur talon d'Achille, mais c'est cette team qui va finalement faire que c'est... Évidemment, c'est un peu le monde geek contre le monde un peu capitaliste, le monde moderne. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant et intriguant, c'est que le méchant du film s'appelle Nolan. Et Nolan, qui lui est un peu contre le numérique et tout, contre la modernité au cinéma, bah, j'y ai vu comme un espèce de parallèle. Revoyez le film, vous allez me dire si j'exagère ou pas. Mais je trouve que la question mérite... Enfin, la réflexion mérite d'être faite. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, le fait, vous voyez, le fait de ne pas avoir mes trois amours là de la team qui me répondent fait que je suis très posé, donc je vous dis de façon calme et détendue que Ready Player One est un immense chef-d'œuvre que je vous conseille évidemment. Allez-y, regardez-le, savourez-le, c'est au cinéma évidemment. Moi je l'ai vu en IMAX 3D, c'est dément, c'est vraiment dément, donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Petit message personnel, si certains d'entre vous ont lu ma critique de Dans la brume, bah écoutez, je vous dis merci parce que j'avais envie de revenir sur le support écrit. Je referai des critiques évidemment, y a pas de souci, quand j'aurai le temps, l'envie, la motivation, tout ça. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour un Parlons Cinéma. Voilà. Voilà, ok, donc maintenant que Morgan a exprimé tout son avis sur Ready Player One, je vais faire mon avis rapidement, du coup, avant qu'on passe à la zone spoiler. Moi, il était dans mes attentes de 2018, quatrième avant Pentagon Paper, qui était en troisième, parce que j'attendais plus Pentagon, et j'ai eu raison d'ailleurs. J'ai toujours pas vu, il faut que je le voie. Non plus. Non, il est, enfin vraiment, moi, je c'est un des meilleurs films de cette année pour moi. Clairement, de ce début d'année. Donc, voilà, moi j'avais des réserves, on en avait déjà parlé dans les parlons cinéma où on parlait des bandes annonces. Quant aux références, j'avais l'impression que ça allait être utilisé un peu pour, enfin, juste pour dire, regardez, on peut faire ça, regardez, on peut faire parler nos personnages du vaisseau de Galactica, de Aliens ou des films de John Hughes parce qu'on a le droit de le faire et ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé en fait, c'est que souvent on fait des passages qui, pendant 30 secondes, regarde, ouais, il a le vaisseau Galactica, il a le Sulaco de Aliens, et Ouais, celui-là il peut aller c'était sur vendu comme Arrakis. ça, hein, c'était vendu comme ça. C'est le Non fi Je mais, dirais que le film est pas comme ça, mais Warner a quand même beaucoup joué là-dessus, et je peux pas leur reprocher d'ailleurs. Mais oui, c'est... bien sûr, mais Ouais. pour moi, c'est vraiment des moments où on se dit, c'est lourd, hein, franchement, c'est. Ok, d'accord, c'est très bien, tu connais toutes ces références, c'est très bien, je t'en veux pas, c'est génial, moi aussi j'aime bien, mais vraiment, on peut passer vraiment à l'histoire en elle-même du film, l'histoire originale qui a peut-être plus d'importance que de savoir que tu possèdes le vaisseau Galactica ou tu connais les films de John Hughes, quoi. Ouais, sauf que là il y a un problème du coup. Ouais. C'est ça. Et du coup, je comprends parfaitement pourquoi t'as pas aimé en fait. Ouais, voilà. C'est vraiment. Pour moi, les personnages. Enfin, voilà. Les références, c'est pas quelque chose qui sont une mauvaise chose, inhéremment une mauvaise chose, mais. Moi, j'aime bien quand elles sont bien utilisées et amenées et qu'elles peuvent être pratiques pour développer l'histoire. Parce qu'elles permettent d'ancrer vraiment les personnages dans une certaine réalité. Là, c'est quand même le cas, non? Moi, je trouve qu'elles alourdissent le film Oui, mais et c'est le qu'elles servent postulat quand pas. même, c'est-à-dire que c'est quand même une logique de personnages qui vit dans un univers qui est créé par leur imagination, et leur imagination vient de leur culture. Donc c'est pas des références qui sont là pour qu'on voit les références, elles ont un sens dans le récit, je pense. Ouais, j'ai quand même certains problèmes par rapport à ça. C'est pour moi ça fait. Enfin après c'est vraiment un avis très personnel. Et pourtant, enfin c'est pas comme si j'aimais pas les références quoi. Mais je trouve qu'il y a des films qui les utilisent beaucoup mieux et à peu près dans le même genre que Ready Player One. Par exemple, je vais citer un Scott Pilgrim qui est un film qui parle aussi de jeux vidéo. Et qui le fait beaucoup mieux à mon avis, qui utilise beaucoup mieux ses références, ou un Tomorrowland qui, je trouve, C'est vrai. possède de nombreuses similarités avec Ready Player One, mais qui est beaucoup plus maîtrisé et subtil que ce dernier. Ou encore, je vais citer ça parce que je fais un peu mon troll, mais en même temps c'est vrai, Fanboys, qui est un film qui parle de fans de Star Wars qui vont parce que un de leurs amis va mourir du cancer avant l'épisode 1, avant que l'épisode 1 sorte dans les années 90, vont s'infiltrer dans le ranch Skywalker pour voler une copie. Ça, c'est la prémisse du film. Et le scénario était signé, surprise, par Ernest Cline, auteur de Ready Player One, et qui était beaucoup plus modeste et subtil quant à l'utilisation de ses références. Ici, elles sont un peu balancées à la tête du spectateur pendant tout le film, à un rythme assez insoutenable et qui semble extrêmement forcé à de nombreux moments. On a vraiment l'impression que les personnages semblent citer des références pour cacher le fait qu'ils n'ont pas de personnalité très développée et qui se cachent un peu derrière les références pour dire, regardez, moi je connais aussi ça et je suis comme vous. Et je trouve que ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien, je trouve, c'est la musique d'Alan Silvestri, on n'en a pas encore parlé. Oui. Qui vient ajouter vraiment un point positif à l'ensemble de l'expérience que propose Ready Player One. Même si elle se trouve pas au niveau de son travail sur la saga Seigneur des Anneaux, bien sûr. Alan Silvestri sur le Seigneur des Anneaux. Attends. Ah Non, merde, Howard non, non. sur le Seigneur des Howard, Anneaux. oh punaise, oh punaise. C'est Ouais, chaud merci. ça, c'est très chaud ça. Ouais, Ouais. Tu c'est. connais les Je suis désolé. références? En parlant de références! En parlant de références, j'en ai aucune. Voilà. Mais c'est Je pour suis ça qu'il vide. a pas aimé le film, Mais oui, il je connaît connais pas. rien! Je connais pas. Je connais pas Galactica, je connais pas. Non. Non, Silvestri, il avait fait Avengers le premier, et mais il a dû faire tous les Il a retours vers le fait futur. Retour vers le futur Oui. aussi, ouais. C'est pour ça que d'ailleurs le motif Retour vers le futur est assez indigeste à certains moments. Parce qu'on n'arrête pas de nous le balancer. D'ailleurs, Enfin, à chaque fois qu'on voit la DeLorean, il y a le petit ta-na-na-na de Retour vers le futur, ou alors il y a le cube Zemeckis. Enfin, on sent vraiment que on exagère un peu sur Retour vers le futur. Alors pourtant, c'est vraiment, ça fait partie de mes films préférés, mais clairement, c'est trop lourd. Donc du coup, le thème d'Alan Silvestri propose des thèmes assez reconnaissables et mémorables pour pas tous les oublier une fois sortis de la salle de cinéma. Ce qu'elle apporte surtout, c'est un contraste assez apprécié aux musiques des années 80 qui parsèment le film, qui, même si elles sont appréciables en dehors du film, par exemple A.A., Take On Me, ou du Duran Duran, ou des choses comme ça, c'est des choses que j'apprécie, enfin, je suis pas non plus méga fan, mais je peux écouter sans problème. Je trouve aussi qu'ici, c'est un peu comme les références cinématographiques ou jeux vidéo, ça se retrouve un peu balancé de façon aléatoire, ça paraît même à certains moments très forcé, ce qui donne pas l'impression de cohésion avec l'œuvre, à l'image par exemple d'un Gardien de la Galaxie. Je trouve que l'usage de la musique, il est là parce que on peut mettre Take On Me et puis c'est cool. Voilà. Pour parler de Steven Spielberg, pour moi, il prouve encore une fois sa maîtrise technique. Bien que il y a quand même quelques points noirs, je trouve. Même si les scènes marquantes, que ce soit la course, pour pas en dire plus. La première course qui est vraiment impressionnante visuellement et qui est vraiment très bien maîtrisée. Comme on l'a dit, moi j'ai un souci avec certains effets spéciaux qui sont beaux à certains moments, mais durant d'autres instants, le film semble déjà accusé d'un âge qui l'a même pas. Pour moi, c'est principalement dû au choix de la direction artistique semi-réaliste, semi-cartoonesque. Toujours le cul entre deux chaises, en fait, et qui risque de faire vieillir le film très vite, je pense. De plus, moi, je me suis retrouvé... C'est pour ça que je demandais à Adrien avant si devant Tomb Raider, t'avais pas envie de jouer au jeu. Moi, il y a certaines scènes où j'étais plus en train de me dire j'aurais plus de fun à prendre la manette et à jouer au jeu en ce moment qu'à le regarder durant certaines scènes épiques du film. Même si elles sont impressionnantes visuellement et que voilà, mais je trouve que ouais, ça passe pas à certains moments. L'interprétation, on en a déjà parlé. Voilà, j'en pense à peu près la même chose que mes collègues. Donc j'ai pas, enfin, c'est pas mauvais, mais voilà. Par exemple, pour Taye Sheridan, c'est vraiment pas un acteur qui me touche particulièrement, et je trouve qu'il est assez mou dans son jeu, il n'arrive jamais vraiment à nous intéresser, quoi. On a l'impression qu'il est là pour son chèque, qu'il va se barrer qu'il va se barrer dans 30 jours quand le tournage sera fini, quoi. Dur mais juste. Voilà. Donc voilà, pour conclure cette partie non spoiler, pour moi le film reste quand même à voir, mais, en priorité en salle, franchement, oui, parce si que sur le voir, téléphone en salle, c'est clair que ça vaut pas la peine. Le spectacle est vraiment assuré par un Spielberg toujours en forme, même si le pari est pas tenu à 100%. Le spectateur, moi je me suis ennuyé à certains moments quand même. Franchement, à certains moments pendant la quête générale, je me suis un peu ennuyé. Et du coup, ça reste quand même une expérience agréable à vivre au moins une fois. Voilà. Donc, maintenant, on a coupé un moment parce que j'étais en train de spoiler sans faire gaffe. Pour ceux qui... De manière pour violente. Ceux qui se disent, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une coupure là? Donc voilà, moi j'étais en train de spoiler sans faire exprès. Et du coup, on va passer maintenant à la partie spoiler. Et je vous indiquerai via le timecode quand est-ce que vous pourrez skipper pour éviter cette partie spoiler si vous n'avez toujours pas vu le film. Fuyez, voilà, pauvre fou. Voilà, on se retrouve après la partie spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et on se retrouve tout de suite pour la partie spoiler pour ceux qui ont vu le film ou alors ceux qui veulent se faire spoiler. Voilà. Si vous voulez éviter la zone spoiler, avancez au time code suivant, 1h, 50 minutes et 4 secondes. Je répète, 1h, 50 minutes et 4 secondes. Bon voyage. Donc, on est à la partie spoiler, et là, je pense que Adrien, je vais le laisser parce que je sens qu'il est bouillant, il a envie d'en parler. Alors là, t'as pas idée. Donc je vais te laisser développer tout ce que tu n'as pas pu développer avant dans la partie non spoiler. Alors oui, parce que mon raisonnement de la première partie était hyper coupé, parce qu'à chaque fois je me disais ah là je pourrais dire un truc mais je peux pas parce que ça spoil. Alors du coup contrairement à moi, contrairement à Axel qui lui nous dit pendant toute l'émission que oh spoilez pas, et lui il spoil mais dans la plus grande sans hésitation. Tu me souhaitais pas du spoil. Bref, alors du coup pour dire ce qu'Axel avait spoilé, Axel avait spoilé le fait que dans le film la seconde épreuve se passe dans l'univers de l'Overlook de Shining. Ça, ouais. Personne ne le savait. Ça a été tellement bien caché par la prod. Et là, mon remerciement ne vaut rien, mais je tiens quand même à dire merci aux gens sur Twitter qui n'ont absolument rien dit. Il y en a deux, trois. Ouais. Il y a deux, trois. Moi, je pense qu'il aurait fallu me filmer à ce moment-là. Il y a deux, trois qui ont fait la gaffe, mais très, très peu de personnes. Et ça, c'est une scène. Voilà, je vais commencer par le positif. Bah, quand c'est pas volontaire. Parce que c'est la logique d'Axel, ça. Donc, je vais commencer par le positif, et ensuite, je vais cracher sur le film. Alors, sur le positif, ça, c'est un moment de cinéma. Incroyable. Ouais. J'explique pourquoi. D'abord, du point de vue de la technique, c'est miraculeux. Je veux dire, t'as l'impression qu'ils rentrent dans une maison hantée sur le thème de l'Overlook. Enfin, je veux dire, c'est hyper bien fait. C'est hyper pertinent. Ah, c'est trop une attraction que j'aimerais faire. C'est une attraction, mais justement, mais c'est ça que c'est là qui est vachement intéressant. Parce que non seulement c'est super bien fait, mais en plus, du point de vue. Ouais. C'est une pertinence de fou. Parce qu'on pourrait dire, faut qu'il le sorte en VR, ça. Ah, mais grave, grave. Ah, mais du coup, il y a une pertinence incroyable. Parce que quand il rentre dans l'hôtel et qu'il y a une espèce d'ambiance de film d'horreur et qu'on voit, par exemple, il va dans la chambre 237 à un moment et on voit la femme et il dit c'est un zombie. C'est génial. Il dit c'est un zombie et c'est pris dans tout le film comme une épreuve à passer où il y a plein de gens qui se font péter la gueule par le zombie. Tu pourrais penser que c'est complètement con et que Spielberg a rien compris à Shining. Mais ce qu'on perçoit pas, là, c'est que Spielberg nous fait pas une reprise et il nous du film Shining, il nous fait Shining fait du point de vue de l'imaginaire du spectateur qui ensuite parce qu'il joue à l'Oasis va projeter cet imaginaire, ce souvenir qu'il a de Shining dans le jeu. Et ça c'est pour ça qu'on a le géant de fer qui tire alors qu'il refuse d'être une arme dans le film. Ah oui, ce genre de choses, c'est parce que ce qu'on voit dans le film, c'est pas les avatars, c'est pas les personnages, c'est des avatars. C'est des avatars qui sont joués par des joueurs. Et quiconque a vu le géant de fer, les gamins qui jouent au géant de fer, ils se tirent dessus. Ils font pas, oh ben non, je tirerai pas parce qu'il faut pas, tu vois. Et c'est là que c'est vachement intéressant, parce que Shining, ce qu'on nous montre, c'est le point de vue de Stephen King. Et c'est pas le point de vue de Stanley Kubrick. Le point de vue de Stephen King sur le film Shining, et c'est pour ça qu'il a détesté le film d'ailleurs, c'est que c'est pas un film d'horreur pur. Alors que son bouquin, lui, il considérait ça comme de l'horreur pure et vraiment une histoire de fantôme et pas seulement sur la folie. Or, je suis désolé, ce qui est intéressant dans Shining, c'est justement que la plupart des choses qu'on voit ont une grande probabilité d'être pas vraies. Et c'est une grande probabilité d'être plutôt dans les fantasmes de Jack Torrance. Et or là, ce qu'on nous montre dans Ready Player One, c'est comment Spielberg réussit à se réapproprier ce que pensent King et ses aficionados du film de Kubrick. Mais il le fait avec la visuelle du film de Kubrick, parce que c'est le seul visuel qu'on ait retenu de Shining, parce qu'il y a eu un téléfilm réalisé par Stephen King et un pote qui est nul à chier, je ne conseille pas, qui dure ça dure 4 heures, ensuite c'est regardable. Oh là là. Mais surtout, voilà, du coup, c'est ça qui est vachement intéressant, quoi. C'est-à-dire que non seulement il montre qu'il a tout compris à Shining, mais en plus, il montre qu'il a tout compris, mais par le prisme de l'auteur de Shining et par le prisme du spectateur. Si ça, c'est pas du cinéma, enfin, je veux dire, c'est Ça, pour le coup, je suis pas un grand fan de Spielberg ni de ce film-là. Ça, c'est miraculeux. Ça, pour moi, c'est vraiment miraculeux. Ça a fait monter de 2 points. Ah, mais moi, c'est ça. Mais c'est-à-dire que moi, jusqu'ici, je me disais c'est sympa, et après le film, je me suis dit ça, c'est sympa. Mais là, je me suis dit la vache, quoi. La vache. Je connais pas un mec qui a eu cette idée-là, quoi. Ça, c'est d'une originalité incroyable. Ça, c'est pour le positif. Parce que maintenant, on va parler de la fin du film et du gros problème du film. Je le disais dans la première partie, je pense que, comme d'ailleurs, et c'est là que je pourrais faire le point de jonction, Stephen King n'a pas compris lui-même pourquoi Shining est intéressant, je pense que Spielberg a mal compris lui-même pourquoi Ready Player One est intéressant. Pendant tout le film, on voit ces personnages qui passent par le biais du jeu pour se rencontrer, faire la révolution, et battre ceux qui voudraient... contrôler l'Oasis à des fins commerciales. On nous montre ça. Et on nous montre que c'est grâce à leur rencontre par le jeu vidéo qu'ils réussissent à se rencontrer dans la vraie vie. Et je pense qu'il y a une réplique qui est très mal comprise. Et très mal comprise, c'est un moment où il y a la fille qui dit où elle habite, et lui lui répond: ah bah dans la vraie vie, on aurait pu se rencontrer dans la vraie vie parce que t'habites à deux blocs de chez moi. Pour moi, cette réplique, il faut la comprendre comme: on a beau être à deux blocs, on se voit pas et on se parle pas. En revanche, on rompt les inhibitions dans le jeu vidéo et du coup, on arrive à se parler. Pour moi, parce qu'il y a des gens qui disent que cette scène, en fait, elle signifie que, ils sont aveugles dans la vraie vie parce qu'ils sont obsédés par le jeu vidéo. Pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, c'est vraiment l'inverse. Et je trouve ça particulièrement con. Parce que, à la fin du film, il y a cette espèce de truc hyper réac, je trouve ça hyper réac, qui est que, les gentils gagnent et ils prennent contrôle de l'oasis. Et ils instaurent une règle qui est qu'ils vont fermer l'oasis 3 jours par semaine. Pour quelle raison? Parce que le réel, il y a que le réel qui est réel et que les jeux vidéo, c'est pas le réel. La vache, quoi! Tu te rends tout un film à nous expliquer que, de manière hyper pertinente, que justement, c'est par le biais de ces technologies qu'on peut réussir à en sortir. Et finalement, à partir du moment où le mec est devenu privilégié parce qu'il s'en est sorti, ça y est, il a plein de thunes avec ses copains, du coup, il va imposer à tout le monde la même situation. Ça me pose un énorme problème. Un énorme problème parce que j'ai l'impression que Kubrick, c'est un intéressant lapsus. J'ai l'impression que Spielberg a pas compris, en fait. C'est-à-dire qu'il raconte un truc. Tu penses mais pas que ça viendrait du scénario de base? Je sais pas, mais ça c'est possible. Moi je connais pas Ernest Cline, enfin je connais pas le scénario d'Ernest Cline, je connais pas le bouquin. C'est possible que ça soit dans le bouquin. Mais moi ce que j'ai entendu, dans les gens que j'en ai discuté, plus ou moins respectueusement, je tiens à le dire, qui est que non, c'est juste nous qui comprenons pas et le film il dit juste qu'il faut faire l'équilibre. Moi je suis pas d'accord. Parce qu'il impose la décision. À la fin du film, il dit pas ceux qui veulent pourront reconnecter. Il aurait pu faire un truc comme pour la Wii, par exemple, où quand il joue 2 heures, à la fin, il y a un message qui dit: est-ce que vous devriez pas faire une pause? Ça me paraît pas aberrant. Netflix fait pareil, par exemple. Ça me paraît pas aberrant de faire ça. Ah bon? Oui, Netflix, oui. Au bout d'un moment, quand tu regardes beaucoup d'épisodes de suite et que t'as renouvelé automatiquement l'épisode d'après sans le... en laissant Netflix faire, au bout d'un moment, il te dit: est-ce que vous êtes encore là ou est-ce que vous voulez pas vous reposer? Ouais. Ça je trouve ça bien parce que ça montre bien qu'on a la technologie qui peut prévenir celui qui s'en sert que ça va trop loin. Or là dans le film on a une décision autoritaire quoi. C'est vraiment Jean-Michel je m'en suis sorti qui va t'expliquer que maintenant que je m'en suis sorti, tous les Jean-Michel encore crevards ils peuvent rester Jean-Michel encore crevards et je vais les obliger à s'emmerder 3 jours par semaine dans la réalité. Mais je trouve ça gravissime, moi. Ouais. Je trouve ça gravissime parce que ça montre que Spielberg, malgré tout le progressisme et toute l'humilité que je lui connais, là, à ce niveau-là, c'est un réac, quoi. Là, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment surpris parce que j'ai l'impression que la fin du film dit le contraire de ce que dit le film, de ce que devrait dire le film. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a lui-même pas compris comment ça se faisait que qu'ils aient tous survécu, quoi. Ça me pose un énorme problème. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu, j'allais dire ambigu, c'est pas vraiment bleu, mais je suis un peu circonspect par rapport au film. C'est-à-dire que d'un côté, je le recommande vraiment, parce que c'est juste une bombe de pop culture. C'est un film extrêmement cultivé, extrêmement bien fait, et très intelligent. Mais d'un autre côté, le problème avec cette intelligence, c'est qu'elle sert un propos que je peux pas accepter, quoi. Un propos qui est pour moi, et ça c'est ce que je comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de progressistes, Damien Bois, qui sont très progressistes comme ça, et qui sont très fans de Spielberg, qui ne voient pas ça. Donc je pense que c'est là que c'est un film assez riche aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations. Mais pour moi, il y a un moment où quand on te dit face caméra, le réel c'est réel, et qu'on te montre face caméra que le personnage va imposer 3 jours par semaine sans l'oasis, à un moment c'est plus une coïncidence, quoi. C'est plus simplement une interprétation, et je pense que là Spielberg, il rejoint par exemple les Ridley Scott ou les Stephen King qui veulent imposer au spectateur une interprétation de l'œuvre qui n'est pas forcément l'interprétation la plus intéressante. Et ça, j'avoue que ça me déçoit pas mal parce que je commençais à réhabiliter Spielberg, je l'ai un peu réhabilité aujourd'hui parce que je le considérais pas comme un très bon réalisateur avant. Et maintenant que j'ai vu des films comme Mon con du troisième type ou ce genre de choses, je me rends bien compte que quand même, il faut compter avec lui. T'as vu Les Dents de la Mer pour l'instant? Les Dents de la Mer, très très bon, j'adore vraiment. Donc voilà, Spielberg, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais réalisateur et je pense que je l'ai jamais vraiment dit d'ailleurs. J'ai des gros doutes sur certains de ses films. Mais voilà, je me dis que ce qui limitera toujours, c'est aussi, et ça je vais parler très rapidement du dernier gros problème du film, c'est que c'est coulant quoi. C'est coulant quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas subtil du tout. C'est un film, c'est à la fin, c'est vraiment pendant des heures, c'est le pont des espions. Pour moi, l'exemple de ça, c'est Ready Player One, évidemment, là-dedans, mais c'était le pont des espions. C'est-à-dire, à la fin, t'avais un carton sur la tête de Rylance, Non, pas de Rylance d'ailleurs, comment il s'appelle le héros de. C'est quel acteur déjà? Tom Hanks? Tom Hanks. T'avais un carton sur sa tête parce qu'il avait gagné, parce que voilà, c'est un américain, c'est un héros, tout le monde l'applaudit ou je sais pas quoi, lui fait des sourires dans le train et machin, c'est un héros américain, tu vois. Moi, c'est quand même mon problème, ça. C'est-à-dire que j'ai beau apprécier Spielberg et j'ai beau reconnaître tout son talent, je trouve que ce qui le différenciera pardon, toujours de grands réalisateurs, c'est que je trouve que du point de vue du propos, il y a des choses très intéressantes à dire, elles sont pas toujours très pertinentes et surtout elles sont très rarement dites de manière subtile, quoi. Je trouve que c'est quand même pas du cinéma très subtil. Là, Ready Player One, vraiment à la fin, on a vraiment face caméra le personnage principal qui t'explique la morale. Des fois, tu serais assez con pour comprendre, tu vois. Et pas de chance parce qu'on sent que ça, c'est quasiment une c'est scène ça. Rajoutée. Et pas de bol c'est... parce qu'en plus la morale est à côté de la plaque. Tu vois vraiment pas de bol. C'est-à-dire que non seulement il la surexplique, mais en plus putain, tu te dis moi qui pensais que c'était intelligent, tu vois. Donc moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que moi, je pense que c'est un film très intelligent, qui dit des choses très intelligentes, et que les dernières 5 minutes, moi, je les efface de ma mémoire. Parce que j'estime que Spielberg n'a pas compris, que c'est une scène coupée, que c'est du making-of, je le prends vraiment ça comme un making-of. Et voilà, j'estime que c'est dommage que ça finisse comme ça. C'est un film qui, je pense, j'en ai pas vu beaucoup pour l'instant cette année, mais je pense que ce sera dans mon top, parce que c'est vraiment très bien. Mais d'un autre côté, il y a toujours cette limite qui fait que moi, quand j'entends parler de chef-d'œuvre, c'est comme pour Avatar, c'est comme pour Tintin, c'est comme pour tous ces films, pour Gravity. Quand j'entends parler de chef-d'œuvre, il y a quand même des limites qui tiennent à la manière de servir le propos, quoi. Qui tiennent vraiment à la manière dont tout ça est montré, dont tout ça est expliqué, dont on t'explique face caméra ce qu'il faut comprendre. C'est toujours la limite de ce cinéma-là, moi, quand même. Et je trouve que c'est là que ça se différencie de films comme Mad Max Fury Road, ou de films de Coppola comme Apocalypse Now, ou de films comme ça, ou de films de Kubrick. C'est-à-dire que Kubrick, Coppola, et même George Miller, pour prendre des films plus récents, et même parfois Zack Snyder, je pense, comme Sucker Punch notamment, ont jamais besoin d'être explicatifs. On sait très bien ce qu'ils veulent dire. Et là, je trouve que Spielberg, j'ai l'impression qu'il se fait presque pas assez confiance, quoi. C'est-à-dire qu'il va nous répéter face caméra, pour moi, c'est ce qui fera toujours, pour l'instant, la limite de son cinéma. Ouais, mais après, la vraie question à se poser, c'est peut-être aussi, est-ce qu'il avait vraiment envie de faire ce film? Ouais, ça, c'est la question qu'on peut se poser, parce que le problème, c'est que je sais qu'Ernest Cline, pour lui, c'est un honneur, parce que Spielberg, c'est comme un dieu pour lui. Je me dis que Warner a peut-être filé... Bah, vu ses références, oui, c'est clair. Voilà, je pense que faire interpréter cette histoire par Spielberg, c'est très logique, et c'est très intéressant, parce que lui-même est un patron de la pop culture, et lui-même a apporté énormément à la pop culture. Donc c'est très pertinent comme décision, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il m'a pas l'air à fond dedans, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Il n'y a peut-être pas le recul nécessaire. Mais je pense que c'est vraiment ça. Et je pense que c'est pas parce qu'il a réalisé des films intelligents qu'il est à chaque fois... parce que c'est quelque chose que je dis souvent, ça, que... Ah oui, mais Spielberg, il a quand même réalisé des grands films, donc laissez-nous l'occasion de croire qu'il est intelligent, machin truc. Je veux bien croire qu'il est intelligent, mais je pense que c'est un réalisateur qui a pas encore le recul. Et je pense que c'est un recul qu'on a... J'ai l'impression que c'est un recul qu'on a qu'après sa mort, en fait, donc c'est un peu difficile à dire. C'est-à-dire que même Ridley Scott, on voit bien de ce qu'il disait avec Blade Runner et de ce qu'il fait aujourd'hui d'Alien, qu'il n'a pas le recul non plus. Donc je connais pas beaucoup de réalisateurs. Je pense que Zack Snyder a du recul, mais encore une fois, je reviens toujours à lui, mais je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs comme ça qui arrivent difficilement à avoir du recul sur leur propre création. Et je pense que là, Spielberg, on n'est pas loin, quoi. C'est-à-dire que d'un autre côté, il a des fulgurances. Je dirais que le personnage de Rylance dans Ready Player One ressemble beaucoup à Spielberg. Et Burton, c'est un espèce de mélange des deux, et je pense que c'est très pertinent la manière dont on le montre un petit peu dépassé par sa création et la manière dont finalement on en fait un marginal, ce genre de choses. Je pense que ça, c'est très pertinent et très juste, mais le problème, c'est tout le reste, voilà, quoi. Le problème, c'est que tout ce qui est autour de lui, on voit bien que c'est partisan, on voit bien que lui-même est limité, je dirais, parce qu'il a pas qu'avec l'âge qu'il a, je pense qu'il a pas le recul nécessaire sur le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'il est limité de ce point de vue-là, et je pense que ça se voit quand même dans le film, quoi. Du coup, pour moi, en faire un chef-d'œuvre, ça me pose problème, parce que pour moi, un chef-d'œuvre, c'est un film qui a un minimum de recul sur le monde dans lequel il vit, et c'est pas un film qui a cette espèce de propos. Je disais réac, c'est un grand mot, mais c'est un peu réac quand même, quoi. Ouais. Ok. Eddie. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus, en fait. Que ce que j'avais dit avant. La scène Shining, je sais qu'elle t'a beaucoup plu. Enfin, ah oui, tous, hein, complètement. Façon, mais... en même temps, il faut être difficile, quoi. C'est un vrai morceau de cinéma, ça, vraiment. Je suis pas spécialement d'accord avec ce que vous dites sur la fin. Je l'ai pas forcément perçu comme ça. C'est vrai que oui, effectivement, c'est le personnage est décisionnaire. Oui, du coup, il a un peu le monopole sur ce qu'il fait, mais... Ouais, je sais pas. Après, ça remet peut-être aussi tout l'univers en question, quoi. Qu'est-ce que l'Oasis représente vraiment? Est-ce que... Enfin voilà, il acquiert un autre statut. Enfin, je sais pas. C'est... Je me suis pas forcé. Enfin, en fait, j'avais pas réfléchi à la question. Donc, Oui, non, mais c'est... je suis un peu pris au dépourvu. Mais c'est vrai que du coup, je pense que quand je le reverrai avec ça en tête, peut-être que oui, ça fera plus écho, ouais. Oui, non, mais c'est... Enfin, il y a tellement de choses à prendre... Enfin, tu te prends 2h20, là, d'effets spéciaux, de machin, et tu arrives à la fin, tu es un peu essoufflé, et enfin, tu peux pas non plus avoir non plus... Enfin, tout... Déjà, enfin, moi, je pense pas non plus avoir tout compris, et... Voilà, personne peut, je Non mais pense. oui, attention, oui, ce que je disais, c'est voilà, c'est ma perception, et après j'ai Oui, bien l'impression qu'on nous le sûr. dit quand même texto dans le film, Oui, non, mais mais c'est moi aussi, c'est ce que j'ai voilà, ressenti, mais mais après c'est après, ma on perception peut bien se sûr, tromper, et hein, on oui, peut se tromper, tout à et puis fait, voilà. tout à fait. Donc voilà, on a jamais dit qu'on était les voix De la raison. d'Évangile, voilà. Donc, Mais bon, après, ouais. c'est vrai que enfin, là, quand j'ai réfléchi 2 secondes, c'est enfin, oui, effectivement, Spielberg donne enfin, propose hein, une version en fait de en gros ce que lui pense être bien, quoi, à travers le personnage. Le fait que bon, ben, dans la semaine, il y ait des moments où on ne puisse pas se connecter à l'Oasis, après, mais c'est Non, chacun mais en pense ce après qu'il veut, on... quoi. Ouais, voilà, je pense qu'on lui reproche, enfin, moi en tout cas, je lui reproche pas d'avoir un avis différent du mien, puisque c'est là, enfin, c'est quelque Moi, chose je suis pas forcément d'ignorant, contre, hein. Bon, je sais que, enfin, je suis un très mauvais exemple à suivre, hein, parce que moi, je suis très connecté, enfin. mais je suis pas forcément contre, en fait, cette idée de, bah, effectivement, se rapprocher un peu du réel aussi. Je pense que Non, mais ça, ça en Oui, fait pas un non. mauvais film. Je trouve que, enfin, la manière dont c'est décrit, pour moi, ça en fait un film un peu Ouais, bancal, mais oui, c'est pas là, je peux. forcément la morale en elle-même, c'est plus la manière dont c'est fait, Voilà, c'est effectivement. ça. Voilà, La c'est morale ça. en elle-même en fait pas un mauvais film. Je trouve que c'est assez louable quand même de dire aux gens Non, mais encore une de... fois, pour moi, le propos d'un film, on fait jamais un mauvais film, même si un film, je sais pas, Ouais. je vais atteindre le point Godwin à une vitesse grand V, mais quand tu regardes un film de Leni Riefenstahl, c'est du grand cinéma, même si c'est de la propagande, c'est du grand cinéma Oui. quand même. Bah oui, Donc oui. voilà, donc Ouais. la morale fait jamais un mauvais film. Mais la manière dont elle est tournée, là, ici, me pose problème quand même, parce que je trouve que c'est pas très subtil, quoi. Ouais. Ouais, Oui, j'ai un peu le même avis que Blanche-Neige, en fait. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est Non, mais là, c'est... moi, c'est l'exemple qui me parle le plus. C'est vrai que c'est bon, J'ai cru que tu m'avais ça. appelé Blanche-Neige, je n'ai pas compris. Non, non, non, mais c'est que si tu veux, je trouve que c'est un grand film d'animation en termes de technique et en termes d'univers, machin. Mais c'est vrai que pour le coup, bah, l'image, d'autant plus aujourd'hui, est complètement dépassée. C'est la femme au Oui, voilà. foyer, c'est voilà. Mais ça n'empêche pas que ça reste un film Ça reste un important. grand Et film, oui, voilà, c'est voilà. ça. Oui, Ouais. tout à fait. Mais en fait, on est complètement d'accord. Oui, voilà, et puis, enfin, oui, voilà, c'est ça, en fait, on est complètement d'accord, et faut pas oublier que on évolue tous, que ce soit Mais plus par on rapport à la vieillit, période. enfin moi qui travaille avec des personnes âgées, je m'en rends compte et je le vois aussi. Bah, après, bah, je sais pas quel âge ont vos parents, mais moi, les miens ont passé 60 ans, et c'est vrai que on vieillit, on campe aussi un peu sur ses idées et on a une vision, enfin voilà, du passé qui, même si on arrive à s'adapter Idéalisé, ouais. oui voilà, on idéalise un passé, et même si on arrive à s'adapter à l'époque actuelle, on a toujours cette réminiscence et dans les souvenirs, on garde que le bon en général. Donc Ouais, forcément, oui. c'est comme quand tes parents te disent, ouais mais. C'est à ta place, enfin quand t'es au collège et quand tes parents te disent qu'est-ce que j'aimerais retourner au collège et tout, bah non, Ouais. non, non, réfléchis bien, je suis pas sûr que t'aimerais tant y retourner que Non, mais ça, t'as ça, pas bien dû y vivre sûr, que mais le, pro des. ouais, le problème avec Spielberg, c'est qu'on nous présente souvent, et à raison, hein, comme un type qui est très progressiste, un type qui est très. C'est vrai que là, c'est décevant, quoi, pour moi. C'est décevant de sa Ouais. part d'avoir un propos comme ça, quoi. Ouais. Surtout que, genre, Wade Watts, tu vois, sans l'Oasis, sans la possibilité de se connecter à l'Oasis, il aurait jamais trouvé Non, l'amour. mais bien sûr, Il aurait la pas. Il révolution, elle est passée par le numérique, là. Je veux dire, c'est une décision très prétentieuse de le fermer, comme si lui, il avait la réponse à tout et que maintenant que c'était lui qui l'avait, bah, il n'y aurait plus Voilà, de problème, quoi. ses amis, il les a découverts grâce à l'Oasis. Enfin voilà, sinon il serait resté comme un con dans sa boîte et voilà, c'est. J'ai l'impression d'être dans Hunger Games 3, si tu veux, comme à la fin, bah, il y a. La Crane ou je sais pas quoi, que je sais plus comment elle Ah s'appelle, oui, qui ouais. dit oh bah on va organiser des Hunger Games pour les gens qui ont fait souffrir le Hunger Games, tu vois, pour moi c'est un la peu pareil, c'est un peu Cohen, la même ouais, pour moi c'est un peu la même logique quoi, c'est-à-dire que bah maintenant qu'il est privilégié, bah il peut maintenant faire chier les gens à son tour quoi. Alors que, sauf que c'est ça, montré comme bien dans Ready Player One, c'est ça la différence. Alors la c'est politique de comme... l'arroseur arrosé. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et mais ça, encore une fois, c'est pas perçu beaucoup par les gens, donc je sais pas tellement si c'est moi qui fantasme ou si c'est... Je pense que ça, c'est... Non, ça fait vraiment sens hein, quand tu le dis. Hein. C'est... Ah, c'est gentil. Mais c'est vachement intéressant parce que je m'étais pas du... Enfin, j'avais pas du tout réfléchi au film comme ça. C'est pas ce que j'en avais retenu. C'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, c'est le regard de Spielberg sur la nostalgie et tout. C'est, oui, ça, bien c'est, sûr, ce ça c'est très plus intéressant marqué. Hein, ce qui est fait. Mais c'est vrai que du coup, tu abordes ça et tu as bien fait de l'aborder parce que du coup, ça me donne une autre vision du film aussi. Et donc, oui, effectivement. Mais merci ouais. Adrien pour. Amen. Mais c'est comme quoi le débat est finalement très intéressant à chaque fois. Bah oui, et de toute façon, enfin, ouais, pardon, j'ai la même perception que toi, en fait, Adrien, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, ouais, en fait, la fin, la toute fin, semble être une scène rajoutée, vraiment, comme si ils avaient fait des projections test et que... Ouais, c'est ça, c'était pas assez clair. D'autant plus que ça a ce sens, qu'il y a un moment, on pense la voir venir, la fin, et en fait, non. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment c'est vrai ça que moi j'aurais ajouté, fait terminer le film plus tôt, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Quitte à en faire un happy end. Tout à fait. Plus, ça m'aurait plus moins gêné. Consensuel, mais ça aurait été. Oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas eu ce petit rajout, pas forcément utile. Oui. Tout à fait, ça m'aurait moins gêné, hein, moi vraiment. Hein. Ça fait vraiment boursoufler, tu vois. C'est vraiment. Ouais. Donc voilà, non, c'est. Et c'est con de plomber un film dans les 5 dernières minutes. Ouais, c'est exactement. Clair. Après, c'est pas le premier que je vois comme ça, mais. Non. Et pour oui donc moi pour rapidement niveau spoil voilà le moment Shining j'ai beaucoup aimé. Ah mais c'est incroyable qui n'aime pas ça voilà. Qui n'aime pas ce passage quoi, c'est toujours pareil. Voilà, bah même moi j'y suis allé quelqu'un qui a pas vu un seul Kubrick parce que bon c'est quand même assez particulier. Merci la moto et c'était pas chez moi et non, c'est chez moi et mince et qui a beaucoup aimé aussi donc comme ouais. Quoi. Mais en fait, c'est ça qui est fort finalement, c'est que même sans non, avoir vu pas... le film, tu te rends compte que c'est grand. Oui, c'est ça. C'est la portée du truc, elle est là quoi. Techniquement, c'est vraiment impressionnant parce ouais. Que c'est quasiment c'est à l'identique, hein, il n'y a même pas du quasiment. Que ce soit la scène de. Ben merci de Warner quoi. De la machine à écrire, etc. Enfin voilà. Il aurait vraiment... pas pu le faire. Chez qu'est-ce que c'est drôle ça. Qu'est-ce que c'est drôle en plus. Enfin... Ouais, aussi. Ouais. Ouais. Enfin, ouais, et puis je trouve que cette scène met en avant parce que moi c'est un truc que j'ai mis dans ma critique, c'est que il pose aussi ce regard-là, c'est au niveau de la nostalgie toujours, c'est que les et au niveau de la culture un peu. Parce que par exemple. Il y en a un qui dit bébé j'ai jamais vu Shining donc je pouvais pas me douter qu'il allait m'arriver ça ou et c'est aussi bah oui tu vois c'est bien d'avoir des références mais c'est bien aussi d'essayer de voir autre chose parce que bah ça peut être utile quoi et c'est vrai qu'on oui. Se rend bien compte que dans le film les personnages n'avancent que lorsque bah ils peuvent utiliser ce qu'ils oui, ont c'est un film sur la culture aussi sur la porte de la culture qui sauve la vie ouais. Et tout ça là-dessus c'est vachement bien ça va vachement bien sur ce point de vue là ce que ça dit de la culture. Et moi, je l'ai mis dans la critique. Ce que j'ai mis, c'est que ben, finalement, dès lors que les personnages sont amenés à réfléchir sur un truc nouveau et à réfléchir vraiment par eux-mêmes et pas simplement avec leurs références, ben, du coup, c'est plus compliqué pour eux d'avancer dans leur quête. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, sinon, l'histoire d'amour, j'y ai pas du tout cru. Ouais, c'est forcé, ça. C'est tellement forcé. C'est des tics de cinéaste médiocre, ça pour moi. Je comprends pas que Spielberg fasse ça, quoi. C'est vraiment des. Pourtant, il en fait pas beaucoup hein, d'histoires bah d'amour. Bah ouais, c'est ça. Ça fait vraiment de sales tics, quoi. Parce que même dans Jurassic Park, c'est vrai que bon, bah, tu sais qu'il y en a. Enfin, que Grant et Sattler sont ensemble, entre guillemets, mais il insiste pas dessus, quoi. Enfin, non, pas du tout. C'est ouais. Même c'est une dernière porte et tout ça. Ouais, oui. Non, mais c'est subtil. D'habitude, c'est vrai que là, oui. C'est vraiment pas l'œuvre somme de Spielberg, hein, de ce point de vue-là, je trouve que... Non, pas du tout. Je pense qu'il a été handicapé par le matériel de base. Ouais, c'est clairement. Possible. Je pense qu'il est obligé de répondre aussi à un certain cahier des charges. Casting jeune, public, peut-être pour un public plus jeune. Non, je suis pas sûr que qui que ce soit en mesure d'imposer un cahier des charges à Spielberg. Je lui ferai pas ce cadeau-là, je pense pas. En même temps, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, en tout cas, moi je pense qu'il a été un peu handicapé, comme je l'ai dit, par le matériel original, quoi. Le bouquin que je n'ai pas lu, hein, mais on sent bien que c'est pas l'histoire qui le passionne, hein. Ouais, non, c'est ce qu'il pas, peut dire derrière. Donc, Je vois en fait clairement, objectivement, de ce que je vois du film, et j'ai pas lu le bouquin, mais au niveau de l'histoire, je vois pas comment ce bouquin a pu devenir un tel phénomène. Bah pour le coup, c'est un genre sur la nostalgie, c'est-à-dire que autant le bouquin en lui-même, comme le film, je suis prêt à le parier sans l'avoir lu, je pense n'est pas un moteur de nostalgie qui ne joue que sur la nostalgie, autant c'est évidemment, je pense, comme ça qu'il a été vendu, et ouais. comme le film, et évidemment, je pense aussi comme ça qu'il a été perçu par beaucoup de personnes qui ont trouvé ça génial. Donc d'un autre côté, c'est là qu'on voit la limite entre la perception de l'œuvre et ce que l'œuvre est réellement. Après, c'est peut-être très bien écrit, hein. Oui, mais ça c'est possible aussi, hein. Oui, oui, c'est possible. Voilà. Donc, on va pas se permettre de juger le bouquin. Voilà, mais c'est voilà. Ça. Moi, j'ai donc, pas lu. Oui. Vous quittez à présent la zone spoiler. J'espère que le voyage n'a pas été trop mouvementé et que vous passerez un agréable séjour. À bientôt. Donc voilà. On a fini sur cette partie, on a parlé beaucoup, mais c'est bien parce qu'on a pu développer tout ça. Et du coup, on va passer à la dernière rubrique qui est... Peut-être que Morgane va faire un AVC en écoutant tout ça, mais bon. Sûrement. Mmh. Et du coup, ceux qui n'ont pas écouté la partie spoil, maintenant vous pouvez, enfin vous êtes en train d'écouter ça normalement. On va passer tout de suite à la Minute Nerd. C'est parti. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast numéro 39, Movies Nerd, et du coup, c'est la Minute Nerd, et c'est au tour ce mois-ci d'Eddie de nous parler. Le mois dernier, Morgan nous avait parlé d'une série, et du coup, toi, tu vas aussi nous parler d'une série dans l'ensemble, puisque tu as vu la dernière saison, il me semble, récemment. L'avant-dernière saison. Avant-dernière, ouais. Avant-dernière. Alors moi, j'ai envie de parler d'American Horror Story. Alors c'est pas une série que j'ai vue j'ai pas vu dès qu'elle a commencé en fait. Ça m'attirait pas des masses, mais j'avais eu que des bons retours, donc du coup je m'étais laissé tenter, et c'est vrai que j'avais enchaîné la première saison, la deuxième et la troisième très rapidement. Et du coup après la 4 sortait en fait, donc j'ai suivi la 4 au compte-gouttes comme un spectateur lambda. Enfin, comme un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme quelqu'un qui suit la série au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors après, évidemment, toutes les saisons ne se valent pas. D'autant c'est plus sûr. Que, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une série d'anthologie. C'est-à-dire que chaque saison est détachée... Enfin, chaque saison a un sujet. Les acteurs ne jouent pas les mêmes personnages. Enfin, chaque saison a son propre univers. Sauf que... il y a quand même des points qui se rejoignent ouais, d'une saison. Parfois, il y a des petits liens, c'est ça. Voilà. C'est sympa. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais c'est sympa. On verra à la fin si c'est utile. Ouais, et du coup, j'avais regardé donc, saison 1, 2, 3, la quatrième, j'avais un peu moins aimé, mais j'ai regardé. Saison 5, j'ai commencé à suivre, sauf que les trois premiers épisodes, j'ai vraiment eu du mal, donc je me suis arrêté au bout de trois épisodes. Je me suis dit, au pire, c'est pas grave, hein, je verrai la saison qui suit. Et entre-temps, je me suis abonné à Netflix, et la saison 5 est arrivée sur Netflix, et je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion de la retenter. Je l'ai retenté, j'ai aimé, et du coup, c'était là, début avril, est sortie sur Netflix la saison 6, donc l'avant-dernière. Je n'ai toujours pas vu la saison 7. Et j'attendrai qu'elle sorte sur Netflix, parce que j'ai pas envie de me faire chier aller la chercher sur internet, et vu que c'est très mal distribué en France, parce que je crois qu'il y a qu'une chaîne qui la diffuse, et c'est sur le c'est câble. C'est pas OCS? Non, c'est Ciné Frisson. Oui, c'est l'équivalent des FX, donc du coup ouais. Bon, si t'es pas abonné à Canal, en gros tu peux pas, je crois, enfin bon, en tout cas elle est pas accessible En France, elle n'est accessible légalement que si tu payes un abonnement tous les mois. Ouais. Donc du coup, j'attendrai bien tranquillement. Oui. Voilà. Et tout ça pour dire que la saison 6, c'est clairement la moins bonne. Oh, c'était très gentil, hein, franchement. Oui, non, mais alors c'est vraiment la moins. Enfin, c'est pas une bonne saison du tout, et ouais, comparé aux autres. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'American Horror Story, avec le temps qui passe, même si j'ai plus apprécié la saison 5 que la saison 4. C'est laquelle avec Lady Gaga? La saison 5. Ok. Oui, parce qu'il y avait Jessica Lange de la saison 1 à la saison 4 qui, à chaque fois, campait un personnage charismatique et tout. Et du coup, elle n'a pas voulu rempiler pour la cinquième. Mmh. Et ils ont été chercher, du coup, une autre figure féminine assez emblématique, et ils ont pris Lady Gaga. Bon. Ok. Qui s'en sort bien. Oui, ils s'en sortent toujours bien au cinéma, de toute façon. Oui, enfin, il y a pas de. Bon, après, vu l'univers de la série, moi, je me faisais pas trop d'inquiétude parce qu'elle est, vu qu'elle est très décalée, ça collait plutôt bien. Et d'ailleurs, je pense que là, on touche à un premier problème déjà, c'est qu'il y a pas de figure bien emblématique dans cette saison 6. Oh, il y a Sarah Paulson, mais elle est pas emblématique pour des bonnes raisons. Cette saison, c'est une super actrice. Ouais. Qui justement existe vraiment grâce à la série. On l'avait vu. Moi, je l'avais vu. Elle avait joué dans Desperate Housewives aussi. C'est la première fois que je la voyais. Et ça me fait chier parce que c'est une actrice qui est vraiment bien et on la voit pas assez autrement qu'au petit écran et elle mériterait vraiment. Il me semble qu'elle a joué dans Pentagon Papers, non ? Elle va arriver dans. Oui, je crois que Morgan m'avait dit quelque chose par rapport à Desperate Housewives et je m'étais fait engueuler parce que je disais c'est une actrice qu'on connaît pas beaucoup et du coup il a dit ah. Oui, non, mais dans Desperate Housewives, elle va jouer dans deux épisodes. Dans Ocean's 8. Mmh. Avec Ena Bonham Carter, Anna Taoué, Sandra Bullock et d'autres. Et donc du coup, cette saison 6, donc le thème c'est une émission de télé où un couple en fait raconte ce qui leur sera arrivé dans une après l'achat d'une maison dans un coin circulé en Caroline du Nord. Mmh. Tout ce qui s'ensuit, boucherie, machin et compagnie. On a les faits racontés par les personnages, ce qui sont censés être les vraies personnes qui ont vécu les événements. Donc ça nous est raconté face caméra comme un show télé. Ouais. Et on a les reconstitutions avec des acteurs. Et après, tout ça se rejoint, machin. Et en fait, je trouve que la saison n'est pas très inspirée. Et j'ai l'impression que tout se déroule comme si c'était qu'un faire-valoir à faire un peu de gore ou du choc. Ouais, tout à fait. Et c'est chiant, quoi. Parce qu'en fait, American Horror Story, bien sûr, c'est pas les bisounours, on le sait bien, mais évidemment qu'il y a du sang, qu'il y a des tripes à l'air, qu'il y a des gens éventrés, des gens emballés et compagnie, mais il y avait du fond, et là, il n'y a pas de fond. Mmh. Hormis, oui, peut-être une petite critique de la télé-réalité, mais ça va pas du tout au bout, donc ça sert à rien. C'est vraiment nous présenter une galerie de personnages chiants et pas intéressants. Donc voilà, moi j'ai été assez déçu, mais j'ai l'impression que c'est assez symptomatique finalement, oui, de la série avec le temps. C'est que la première saison était très bien, la deuxième c'est clairement ma préférée, je la trouve excellente. La troisième était un cran en dessous, c'était plus teenage, donc bon. Après, on aime ou pas, moi je l'avais pas trouvé si mal que ça, j'aimais bien le thème, donc c'est ce qui sauvait. C'était des sorcières à la Nouvelle-Orléans, donc l'ambiance et tout fonctionnait bien, je trouve, la Nouvelle-Orléans, tout ça. Ouais. Et le vaudou et compagnie. Et la quatrième, c'était un truc de monstre, des gens difformes et tout ça. Et ça m'avait moins plu. Ça, c'était pas trop ma came. C'était, je trouvais que c'était une bonne saison qui était bien faite, mais ça m'avait pas. L'histoire me plaisait pas. Et en fait, il y a rien. Mais ce qu'il y avait de constant, c'est que chaque saison était quand même assez artistique. Et là, même là, je trouve que c'est plan-plan, quoi, de bout en bout. Alors, on m'a dit quand même que la saison 7 remontait clairement le niveau. Notamment Adrien. Oui, Adrien ? Oui, pardon, oui, excusez-moi. La saison 7... Qui m'a dit que la saison 7 était bien mieux. Ah bah, si vous voulez, moi, Ryan Murphy, c'est... J'adore, donc je m'en parle un peu, si vous voulez, ouais, d'American Horror Story, tout à fait. Écoutez, oui, la saison 7 est beaucoup mieux. Oui, en fait, le souci, c'est que moi j'ai clairement pas tout vu d'American Horror Story, parce que moi pour le coup la saison 3, le délire à la charme là vraiment non, j'ai eu du mal. Tu me dis charme, j'ai vraiment pas envie de voir. Non, mais c'est pas de charme, c'est pas de charme, mais il y a un côté comme ça, un peu quand même. La confrérie des sorcières, tu vois ce que je veux dire. Il y a un peu un truc comme ouais, ça d'accord. quand même, quoi. Bref. Bah après, c'est. Enfin, oui, enfin, c'est, ouais. Les sorcières, c'est souvent des confréries. Non, oui, non, mais ce que je veux dire, bon, bref. Les sorcières et de Salem. C'est tout, vrai que la saison 1, c'était un monument. Enfin, je veux dire, la saison 1, c'était. Ouais. Tout ce qu'il y avait un aspect, il y avait une culture. Si, non, parce que je préfère la première, parce qu'elle a été hyper référencée avec Argento et tout ça. Oui, oui, voilà, mais bien sûr, mais après, je que la 2 est plus intéressante. Mais la 2 était première, pas mal, oui, il y avait moins d'ambiance, je trouve, dans la deuxième, mais je trouve ah bon que. Ouais, je suis pas très fan de la Alors fin. Pour le coup, j'ai trouvé la deuxième saison plus malaisante. moi, ça m'avait. Ouais, je trouve qu'il allait un peu trop loin, là. Mais bref, voilà, c'était très bien, ouais. C'était très intéressant. Alors après, voilà, j'ai pas vu la 4 et la 5, faudrait que je la voie d'ailleurs. Je les vois d'ailleurs. Et la 6, mais quelle horreur, la vache! Je suis le premier défenseur de Ryan Murphy. Je pense qu'il a voulu faire une saison d'horreur pure, vraiment ouais, coupée de tout fond politique, tout, ouais. Machin. Le problème, c'est que ça lui va pas du tout, quoi. Non. Et que là, c'est complètement. Et alors, tous les thèmes de l'horreur sont abordés hein, dans la saison. Mais c'est une bêtise incroyable. Du cannibalisme. Ouais, c'est hyper cliché dans ce que ça fait des maisons tout, hantées, ce genre de choses. Je trouve ça hyper cliché, mais hyper cliché vraiment. C'était pas bien joué, ça. Ils arrivaient à faire mal jouer Sarah Paulson, enfin je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, il était très concentré sur la première bon, saison. Alors oui, le seul ouais. truc que je sauve moi de la 6, c'est Kathy Bates quand même. Oui, oui, d'accord, ouais. Oui. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il était à mon avis, il était très concentré sur American Crime Story sur la première saison qui était juste ouais. incroyable et je pense J'ai que voilà, vu. Je pense qu'il s'est pas tellement concentré sur ça, je pense. Et ouais. Voilà, c'était pas terrible, mais oui, la 7, enfin vraiment voir ça parce que pour le coup, c'est extrêmement politique. Oui, puis c'est en lien avec Trump et tout. Ouais, hein, tout à fait. Et en fait, dans la saison 7, si tu veux que je te la pitch rapidement, c'est le jour, enfin c'est un jour très proche de l'élection de Trump et on voit un couple de lesbiennes qui voilà milite plus ou moins pour Clinton, même s'il y a des velléités derrière qu'on découvrira au fur et à mesure de la série. Et quand Trump est élu, on a un espèce de psychopathe qui s'appelle Kai, ce qui est joué par Evan Peters. Et qui va essayer Excel. Quicksilver, ouais, c'est ça. Mais non, mais surtout bah, Evan Peters, surtout quand tu vois American Horror Story, enfin, il est dans toutes les saisons, quoi. Ouais. Et donc, il y a cette histoire-là, et puis à côté, elle est coultrophobe, donc elle a la phobie des clowns, et l'élection de Trump va y créer une atmosphère où elle commence à voir des clowns partout en vision, et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Un clown à la Maison Blanche. Ouais, ouais, bah, c'est un peu ça. Je crois qu'il y a une blague comme ça en plus à un moment. Et, oui, y a, bah, oui. et du coup, il y a un lien facile. Avec la saison 4, puisqu'à un moment, on voit une image du clown. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, de Twisty. Ouais, c'est ça. Mais il y a un lien, mais c'est très, très, très vague. Mais bref, du coup, c'est très intéressant dans ce que ça dit de l'Amérique contemporaine, dans ce que ça dit, voilà, de la manière dont on peut finalement se faire vraiment manipuler par des opinions, par des gens par des espèces de psychopathes. Il y a vraiment, c'est très lié à l'histoire de Charles Manson aussi. Et c'est très, très intéressant. Et je pense que là-dessus, D'accord. il s'est vraiment dit, bon, bah, j'ai essayé de faire une saison, ça n'a pas marché parce que clairement, j'avais pas envie. J'ai l'impression qu'il n'avait pas envie de faire la saison 6, je sais pas pourquoi. Et que là, la saison 7, voilà, c'est vraiment une prouesse. De j'ai toute même façon, envie de me dire ouais. que si elle a été gardée secrète jusqu'au bout, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient vraiment pas sûrs du tout. Ouais. Je sais pas. Ouais. C'est possible. De toute façon, pour ce qui est de Ryan Murphy, moi, je conseille toutes ces séries, très clairement, que ce soit Nip Tuck, Glee, j'ai pas vu. Mais que ce soit des mais séries comme... voilà, je me dis, alors ouais. autant de, passer de ah, Nip Tuck. Ah, c'est lui qui a fait Glee. Ouais, ouais. Mais non, mais c'est ça qui est assez surprenant. Non, ouais, c'est ouais, je c'est, me c'est, dis, autant passer ouais. de Nip Tuck à American Horror Story, bon, à la limite, bon, je comprends à peu près, ça, voilà. Alors. Ouais. Pondre Glee et après nous pondre American Horror Story, alors là j'avoue mais du que, coup ouais. J'ai du mal enfin, je vois pas les ou alors c'est vraiment quelqu'un qui a plein de thèmes en tête et qui a envie de tous c'est les quelqu'un explorer. Qui est très intéressé par faire passer ses idées politiques et parler du monde contemporain et je pense qu'au fur et à mesure des années il a eu différentes manières de le faire et Glee en est une ouais. mais sinon voilà aujourd'hui mais c'est, vraiment, c'est lui qui a fait American Crime Story oui aussi okay. Scream Queens c'est aussi ah, lui ouais, ouais. Ah oui mais apparemment c'était pas top hein. Moi j'aime vraiment beaucoup c'est du pur Ryan mais Murphy. J'ai pas regardé parce qu'elle est dispo hein, sur Netflix ouais, mais j'ai pas moi, regardé je te conseille parce que... même si t'es... enfin essaie et si ouais mais apparemment pas, ça finit ouais. en queue de poisson donc bah oui puisque la série a été annulée bah oui donc ça me fait un peu chier quoi je sais pas et ouais du coup c'est aussi voilà 911 enfin je veux dire il fait vraiment plein de séries et à chaque okay. fois et à chaque fois c'est intéressant quoi donc voilà moi je recommande Ryan Murphy et surtout Eddie t'arrêtes. Je sais que c'est difficile parce que la saison est très mauvaise, mais t'arrêtes pas à la saison 6. Parce que là, dans la 7ème. Non, mais j'ai pas envie de m'arrêter. Ouais. Non, non, mais je compte bien voir la 7. Hein. Ouais, la 7ème, vraiment. C'est, non, non, mais l'avantage avec, avec American Horror Story, c'est que si t'en aimes une un peu moins, c'est pas grave. Tu sais que la prochaine, de toute façon, tout ça sera pas la même chose. Donc, tout bon, à fait. C'est pour ça que. Non, non, la 7, je la verrai. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que. Bah, si toi, Axel, ou s'il y a des gens, des auditeurs qui n'ont pas essayé American Horror Story, moi, je conseille vraiment d'essayer. Voilà, il y en a beaucoup qui conseillent et je pense après, que c'est pas fait pour tout le monde, hein. C'est vrai. Oui, que, c'est vrai. Je pense qu'il y en a beaucoup bien accroché, c'est quand même ça va, il y a des moments ça va quand même assez loin dans le gore et tout. Mais justement, non, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui conseillent de commencer par la 2 parce que ce serait la meilleure. Pour moi la 2 est clairement enfin c'est elle est hyper outrancière et je pense que ce serait comme commencer Ryan Murphy par Scream Queens. Je pense que c'est pas possible parce que ça peut réfréner d'entrée de jeu et ça peut empêcher d'entrer dedans quoi. Je pense que Scream Queens c'est assez gore aussi apparemment. C'est pas gore, c'est pas vraiment gore mais c'est très outrancier, c'est très dans l'humour vraiment, c'est un peu South Park quoi. Et c'est vraiment moi j'adore parce que c'est du pur Ryan Murphy mais je pense qu'on peut pas commencer par ça. Donc voilà, moi je recommande vraiment aux auditeurs d'essayer American Horror Story si vous êtes fan de l'horreur, la si vous êtes fan une, de... Oui, la saison 1, voilà, par la saison 1. Et voilà, si ça vous plaît. C'est disponible sur Netflix, hein, il me semble. Et, tout oui, à fait. Oui, oui. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est une série dont on se souviendra, parce que c'est une série qui a une énorme fanbase et qui a surtout, voilà, qui est devenue vraiment un classique et qui est entré dans le paysage télévisuel vraiment... Et alors qui pas est là trop pour chez nous, rester, c'est quoi. Vrai, mais Même chez nous, un mec en Australie, enfin, c'est nous, quand même oui, très mais connu, je veux hein. dire le grand public connaît un peu moins. Mais c'est vrai qu'elle est pas bien distribuée, je trouve chez nous. Elle est pas bien distribuée, mais ouais, c'est quand même t'as par rapport chaîne à d'autres séries de Ryan Murphy comme 911 ou Scream Queens, c'est quand même plutôt connu quoi en France. Et mais tu vois, mais, Glee, ouais. tout ça, c'était pas ça passait voilà, sur M6 ouais. par exemple. C'était voilà. Plus accessible. Donc voilà, moi je recommande vraiment et surtout la saison 7, qui est vraiment très très réussie. D'accord. Ok. Et dis toi, je suis assez impatient. Tu veux finir sur American Horror Story du coup La saison 6, je pense même qu'on peut l'éluder. Hein. Mais bon, après, ouais. On peut pas la voir, mais et ça va être quand même lié, je pense, par la suite. Bah, c'est ça. Donc, ouais, donc je pense que. Et c'est les acharnés et très intéressés par la série un... peuvent la voir, mais bon clairement, sujet, c'est hyper bancal. Quoi. Même pour moi qui suis très fan, la saison 6, c'était plus possible. Quoi. Ok. D'accord. Bon ben voilà, donc vous avez des conseils de regardure. De regardure, c'est joli ça. Oui, non, c'est... du coup, voilà, donc on a fini pour la Minute Nerd et on va passer du coup à la fin du podcast. On est à la fin de ce podcast numéro 39. Merci beaucoup à vous tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à Adrien déjà d'être venu. Ah, c'est un plaisir. Je t'ai prévenu un petit peu tard, mais... Oui, mais j'étais disponible. C'est cool que tu puisses être là. Merci toujours, Eddy, d'être à mes côtés. Mais pas de soucis. Essentiel. Merci. Oui. Pardon J'ai dit essentiel. Eh oui. Merci à Morgane de m'avoir envoyé ce fichier audio que vous aurez pu entendre. Mais, comment ça, Morgane n'était pas là depuis le début? Non. Ah non, il était derrière le rideau. Il avait une extinction de voix. C'est ça. Donc voilà, ce que je vais rappeler un peu toutes les informations, j'ai une très bonne nouvelle aussi. Pour retrouver toutes nos critiques, émissions, audio, vidéo, c'est sur moviesnerd.net. Voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook c'est moviesnerd tout court et Twitter c'est movies_nerd. Le underscore c'est le tiré du 8 au cas où. Ah, c'est ça que ça veut dire. Ouais. D'accord, moi je bah voilà, je découvre quelque chose, c'est formidable. Eddy, il tape underscore à chaque fois le mot. Du coup, il l'a jamais trouvé. Movies underscore nerd. Ouais. Oui, c'est le tiré du 8, hein. Je le dis pas assez souvent, non. C'est vrai que je. Moi je vais jamais sur Twitter. Underscore, c'est parce qu'il joue pas assez aux jeux vidéo, alors du coup, il fait toujours des underscores. C'est ça. Du coup, vous pouvez nous retrouver. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que j'ai enfin pu réparer les liens sur iTunes, sur PodCloud et sur l'application aussi Podcast Addict que je sais que beaucoup utilisent sur Android, qui est très pratique et que j'utilise moi-même d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir les applaudissements en off, s'il vous plaît? Oui, j'ai passé de nombreuses soirées à m'arracher les cheveux, mais ça a enfin fonctionné et je suis très content. Maintenant, vous pouvez... Il est très investi dans sa passion, Axel. Ah ça. Non, mais je te dis pas, c'était vraiment... affreux, mais maintenant je suis très content. Quand j'ai trouvé la solution, j'ai quasiment sauté de joie. Donc sur PodCloud et sur iTunes, vous pouvez et sur Podcast Addict du coup sur l'application Android et iPhone il me semble, vous pouvez noter le podcast et laisser un petit commentaire et du coup ça nous permet de monter dans le classement des podcasts audio français. Je sais qu'on était le podcast Movies Nerd et Parlons Cinéma était dans le top 100 à un moment iTunes des podcasts sur le cinéma. Donc c'est quand même pas francophone, hein, mais c'est quand même pas mal. Mm-hmm. On était dans les derniers, hein, mais... mais on était mais voilà. Dedans. Voilà, c'est ça. Donc aidez-nous à remonter ce classement et à dépasser peut-être France Culture un jour. Voilà. Qu'est-ce que j'ai tout dit. Donc moi personnellement, vous pouvez me retrouver sur Movies Nerd, Sens Critique, Twitter, Steam aussi. Oui, c'est exact. The Lexal, Thelexal. D'ailleurs, on a un groupe Steam Movies Nerd que j'ai pas encore trop développé, mais voilà, si vous voulez le rejoindre, c'est juste Movies Nerd. Et de toute façon, il y a les liens dans la description de l'article de ce podcast, donc voilà, ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de taper Movies Nerd sur Steam, vous aurez le lien direct. Voilà. D'autant que si vous tapez Underscore en plus, vous n'avez pas trouvé. Voilà, c'est ça. Donc, Adrien, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver tous tes podcasts, toutes tes critiques, voilà. Oui, alors, par écrit, vous pouvez me retrouver sur smallthings.fr, donc Adrien Myers de la rue, tout simplement. Pardon, je suis tout fait. Sur Twitter, attention, parce que j'ai un nouveau TN. Et oui, c'est pas un TN qu'on dit d'ailleurs. Parker Mitty, donc Parker comme Peter Parker et Mitty comme Walter Mitty. Voilà. Voilà. Parce que t'adores le film. Parce que j'adore le film. Ouais. Parker Mitty, donc, et donc smallthings.fr. Et pour ce qui est de l'audio, j'ai un trou, Serial Causer. Oui. Qui d'ailleurs on parle de série. Qui parle de série d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés en ce moment, comme on a organisé la Happy Hour série il y a quelques semaines, donc notre émission live série de 6 heures, on parle beaucoup de Ryan Murphy dedans. Donc pour ceux qui sont intéressés, en ce moment une fois par semaine on met sur le compte PodCloud de Serial Causer toutes les rediffusions de la série. Enfin, de la Power Série. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, Serial Causer et le Four Horsemen Podcast, qui là est en pause, une éternité qu'on n'a pas fait d'émission. Mais on compte bien revenir à jour quand même, quand chacun aura terminé de faire ses petites études, hein, parce que c'est quand même difficile d'organiser des émissions de 3 heures tous les mois. Oui, je sais. Je voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, retrouvez-moi sur tous ces réseaux. Et voilà. Voilà. Ok, très bien. Et tu as dit Small Things, il me semble. Oui, smallthings.fr, oui, bien sûr. Et là, pour le coup, j'écris au moins une fois par mois. Voilà. Un peu plus en ce moment. Oui. Et du coup, Eddie, toi, comme tu as ton emploi du temps de ministre. Donc Facebook, Eastark. Alors, Eastark. Sur Movies Nerd, enfin sur le Facebook de Movies Nerd, c'est Eastark. Ma page Facebook à moi, c'est Eastark Play. Bon, c'est clairement pas une page qui vit beaucoup, mais bon. Ensuite, sur YouTube, Eastark Play aussi. Sur Steam, Eastark 91. Et sur Sens Critique, Eastark. Et sur Movies Nerd, bien sûr, Eastark. Et sur. J'ai oublié le dernier. Discord, Eastark. Et j'ai oublié le. Parce qu'il faut mettre le hashtag machin à chaque fois. Ouais. 2976. Eastark voilà. 91. Hashtag 2976. Et le numéro complémentaire. Et le numéro underscore. De sécurité sociale. Et non, il n'y a pas de underscore. Underscore. Underscore. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez suivi tout ça, allez voir tout ça. Et puis, ben, on vous remercie tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Oui, beaucoup. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour le 40e épisode. Voilà, on est arrivé au numéro 40 bientôt. Pour les films du mois d'avril, on sait pas encore, on n'a pas encore discuté des films dont on va parler, mais on verra. Si, bien. En fait, on en a certains. Ouais, on en a un. voilà. Donc, salut. Salut. Merci.